Hey, salut tout le monde, c'est Dylan. Bienvenue dans la classe. Ça va encore être une émission de ouf ce soir. Je vous mets bien. J'ai des heures de cours gratos à vous filer. Des bons points, du rap de Chou Bruxelles de ce midi à la cantine. Des bons scuds à streamer et un max de vannes. Comment va trop ce gollerie ce soir sur Indestar? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il fait style. La famille Indestar. Il fait trop style le gars, genre il vient d'arriver, ouais. Pouf. Mais non, je viens pas d'arriver. Ouais. J'ai quitté mon blouson il y a au moins 5 secondes. 5 secondes, ouais. Bon, comment allez-vous? Eh ben, ça va. C'est vrai, on est tous ensemble ce soir, on est mercredi. Presque tous. Pourquoi? Ah oui? Ouais. C'est vrai, il te manque une partie de toi. Il manque une partie. Il est là à moitié en fait ce soir. Ah oui? Il manque ma moitié. Ta moitié, mais. Il manque un tiers des chevaux. Où est passé Amel? Pas là. Elle est pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Ça nous rappelle du Vianney. En tous les cas, ce soir, on va faire une émission comme vous avez peut-être eu l'habitude. Enfin, l'habitude, c'est un grand mot, mais on en a fait une le mois dernier. Ouais. Émission nouvelle cette année qui s'appelle La Classe. Quel est le concept, Anaïs? Briller le plus. Ah, normalement, c'est pas mon job. Ah, chef, c'est pas ton job. Alors, il va y avoir plusieurs élèves ouais. dans un collège. Et yes. Le nom est... Le collège Caduc, ce soir. D'accord. Et donc voilà, ils vont avoir des cours d'allemand, etc. Waouh, etc. Ouais. Ouais. Surtout de l'allemand apparemment. De physique, chimie, elle de sport, pas. Etc. Ah ouais, ouais. Ça y est. Et voilà quoi, le gagnant bah gagne, aura son petit diplôme. Le gagnant gagne, le gagnant. Non, mais celui-là qui aura une moyenne plus élevée va gagner. Et celui-là qui va perdre va se faire allumer. Normal ouais, c'est quoi. C'est un petit peu le but de l'éducation nationale. Hein. On t'allume quand tu es mauvais. Et on te félicite quand tu es bon. Et l'éducation à l'ancienne. Exactement. On pousse les élèves vers la réussite. Bon oui, en tout cas ce soir on est là évidemment pour s'amuser. Vous l'avez deviné, sur Indestar rien n'est à prendre au sérieux, vous le savez. Nous allons aller donc dans chacun de ces cours en tant qu'élève, suivre ces cours, obtenir des bons points, puisqu'on a des bons points à distribuer, enfin les profs du collège Caduc ont des bons points à distribuer. Ouais. Et l'idée étant d'avoir les meilleures notes dans chaque cours pour obtenir la meilleure moyenne générale. J'en veux. Conseil. Ça se mange pas là. Non, ça se gagne. Conseil de classe à la fin de la classe, oui. C'est-à-dire aux alentours de 21h. Et conseil disciplinaire pour le mauvais, pour le dernier de la classe. Il y a toujours conseil un mauvais. Disciplinaire, hein. Oui. Bon. Malheureusement. Et si vous savez pas ce qui se passe à ce moment-là, bah c'est pas grave, restez jusqu'à la fin parce que vous allez le savoir. Mais il y a des choses qui vont se passer. Et ouais. Si vous écoutez cette émission maintenant et que vous dites ah ouais mais moi à 21h j'avais prévu j'ai aquaponé aussi eh bien sachez que le suspense sera un petit peu plus long, mais vous pourrez réécouter la fin de cette émission en podcast sur toutes les plateformes internet parce qu'on est partout, hein, c'est le principe d'Indestar. On est omniscient, omniprésent sur toutes les émissions. Nous sommes les envahisseurs. Exactement. Alors ce soir quand même on peut présenter, il y a Linda, il y a Lisa, il oui. y a Angé, il oui. y a Anaïs, elle est là, voilà, elle est toute seule et elle représente deux. Il y a Antoine qui est là ce soir, ça fait longtemps Antoine, ça va? Ouais. Ça va, t'es pas mort? Non, pas ouais, encore. Pas encore. Ouais. Et TD, bien oui. évidemment, tu es là. Ouais. Ce que je vous propose, c'est d'aller directement voir le principal de ce collège, du collège Caduc. Il s'appelle comment? Eh bien, il s'agit bizarrement toujours de Monsieur Boulard. Toujours, mais oui, il a changé de collège. Que le collège, bah oui, il a dû être muté, très ça. Certainement. Bah, voilà. Il avait fait des boulettes. Des boulettes, peut-être. Monsieur Boulard a fait des boulettes. Nous le saurons peut-être prochainement. En tout cas, nos élèves sont-ils chauds à rejoindre le collège Caduc ce soir? Ouais, ouais. Ouais. Ah ouais, ça. Bah, du coup, ça sent la motivation. On a qui comme élève ce soir? On a qui? Eh ben, je pense que le principal va les lister. Hein. Il va faire le principal va les lister. Ouais. Bon bah, je propose qu'on y aille. Bruitage. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Boulard. Entrez, asseyez-vous, je vous en prie. Oh, merci. Oh, eh bien, attendez, on s'est pas déjà vu? Mais si, je vous connais. Et vous êtes les anciens élèves du collège Titi Minet? Exactement, on y est passé aussi. Et on a évolué depuis. On n'est plus en 5e, on est en 4e, n'est-ce pas, les amis? Très bien, moi. Non, moi j'étais pas là avec vous l'année dernière. Mais moi non plus, hein. Moi j'ai sauté une classe. Hein. On a des petits nouveaux dans notre groupe. Bon, en tous les cas, je vois que vous êtes nombreux à rejoindre notre établissement. Oui. Ça m'a fait plaisir. Alors, je me présente pour les nouveaux. Je suis Monsieur Boulard, principal du collège Caduc, désormais. Je vous présente Madame Thiroflan, notre conseillère principale d'éducation. Bonjour. Alors son rôle sera avant tout, vous en doutez, de distribuer des heures de colle. J'ai cru que c'était des claques, tant mieux. J'aimerais bien en vrai, mais non, c'est impossible. Et voici Monsieur Bouzeux, qui est notre principal adjoint, mais qui ne sert à rien, étant donné que j'aime bien prendre les décisions seul. Quoi qu'il en soit, nous allons faire l'appel. J'ai et la pioche ? J'appelle Monsieur Carlos Roberto. Ouais, et moi j'ai la truelle. Monsieur Sandri Alex. Ouais, c'est moi, Monsieur Sandri. On sait. Et toujours là. Monsieur, Madame, pardon, la voisine Rachel. C'est moi. Madame l'effet Mélanie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame Xena Mouret. Ouais, présente, ouais. Pardon. Oui, j'ai dit j'étais présente. Sur un autre ton, s'il vous plaît, mademoiselle. Ça sent l'arrogance. La reçue, ouais. Madame Nomi Auton. Ouais, ouais. Pardon, Madame Auton. Ouais, ouais, là, là. Oui. On a de bons cas dans ce groupe, dis-donc. Et enfin, Monsieur Tognon Thomas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il est là. Thomas Tognon. Alors, vous serez tous affectés à la classe de 4e 1. Ouais. Ce qui porte le nombre total d'élèves dans cette classe à 52. On a demandé à l'inspection académique une ouverture de classe qui nous a été refusée, donc acte. D'accord. Voilà. Bon, bah la 4B, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Je vois que dans votre emploi du temps du jour, vous étudierez l'allemand avec Madame Lagerfeld. Oh là là. Bonsoir. Bonjour. L'éducation physique et sportive avec Monsieur Goliath. Oui. Je vous imaginais avec une voix un peu plus, comment dire, un peu plus virile, non, Monsieur attendez, Goliath. Là, il est malade. Et La physique tout court avec Madame Léger. Ah, oui, bonjour. Bonjour, Madame Léger. La cuisine, ça c'est peu commun, avec Monsieur Brouillet. Bonjour à tous. Monsieur Brouillet, vous allez... Commencez pas mon Brouillet. Ah non, vous êtes le proviseur, ça va. L'anglais avec Mr. Jack Price. Yeah, Mr. Jack Price, yeah. Et enfin, l'informatique avec Madame Binaire. Oui, bonjour à tous. Avant de vous laisser étudier, je vous rappelle la devise de notre établissement, un tantinet patriotique. Savoir plus pour mieux servir la France. Je crois que c'est clair. Ouais. Je vous souhaite une bonne journée, jeunes gens, et une bonne réussite dans vos études. Ouais, merci. Je pense que les choses sont dites à nous maintenant de cartonner, enfin nos élèves de cartonner ce soir au Collège Caduc. Évidemment, vous allez pouvoir jouer à la maison, vous allez pouvoir prendre une ardoise si vous en avez une. Nous, on en a des ardoises Velleda qui nous seront utiles, hein, enfin pour les élèves du Collège Caduc. Oui. Pour noter certaines réponses, obtenir des points. Alors malheureusement, à distance, on pourra pas vous donner des bons points. Mais par contre, on vous promet que vous serez récompensé si vous nous appelez au 09 70 407 306. C'est pas mon job ça ? Oui, vas-y, alors le numéro ? 09 70 407 306. Très bien, il y a des gens qui dansent dans le studio. Alors vous ne pourrez pas voir en vidéo, par contre vous allez pouvoir, on peut suivre sur Twitch ? Oui, oui, oui, on est en live. Ok, on est en live, vous ne verrez rien parce que on n'a pas installé encore. On a demandé à Monsieur Boulard s'il pouvait installer des caméras de surveillance dans tout le collège. Ouais, mais les droits d'image... Il a dit que c'était encore un petit peu limite au niveau de la loi et que de filmer des mineurs comme ça pendant 2 heures, ça se faisait pas trop. Donc... Peut-être on a qu'un le son jour, mais pas l'image. On aurait été en Chine, ça serait très bien passé ça. Mais en France ça ne passe pas. Par contre vous pouvez suivre sur Twitch si vous en avez envie. Par contre sur indestar.fr vous aurez la musique en plus, à savoir Night and Lows. C'est signé Mabritz and Vinny. C'est parfait, c'est moi qui devais le dire. Ah ouais, c'est vrai que le titre était compliqué, hein. Alors vas-y, répète-le. Non. Mabritz and Vinny sur Indestar. Night and Lows sur Indestar, ouais. This is how our story goes. It ain't perfect, but it's worth it as long as I'm with you. I love your silence, a perfect balance. I've always had such high hopes, high hopes. When we're quiet, we keep denying. We're walking on a tightrope, tightrope. Oh, it isn't like the movies, it isn't like the song we used to sing along to. Not written in the stars, not written in tattoos. We're just ordinary humans. Bye. classe ce soir. Faut trop que je vous raconte. L'autre soir, Cindy, elle nous dit eh, vous savez, c'est quoi le meilleur prof? Bah, c'est le prof absent. C'est la vie à l'école. On fait les fous, on rigole. Ouais. C'est la vie à l'école. On chante, on danse, on fanfare. C'est la vie à l'école. On fait les fous, on rigole. C'est la vie à l'école. C'est un peu facile hein, la suite. Oui, vous l'avez compris, vous êtes à l'école ce soir. L'école Indestar, la classe, nouvelle émission comme au collège. Chaque mois, le collège caduc, très exactement. C'est le nom de notre collège auquel nous allons participer à plusieurs cours ce soir en tant qu'élève hein, du collège caduc, en tant qu'élève de 4ème. Alors 4ème, je sais pas si vous avez des souvenirs chacun, mais c'est pas forcément la classe la plus évidente. Ouais, c'est loin, moi. Moi, je m'en souviens elle pas. Elle est difficile, moi, je trouve, la quatrième. À la quatrième, elle est difficile. Ouais. Mais elle est difficile en tant que niveau scolaire, mais elle est aussi difficile en tant que ton corps change. Ouais, c'est un peu ça le problème. Moi, je trouve que le pire, c'est quand même, ça reste la troisième. Ah, moi, je trouve que ton corps a pas trop changé. Ouais, parce que t'as l'impression du brevet des collèges à la fin, quoi. T'as ça, et puis je sais pas si vous aviez ça aussi, mais moi, j'avais Lida. L'histoire des arts. Ouh. Ah oui, avec le nom déjà. Alors moi je suis beaucoup plus vieille que toi. Alors ouais. Mais on n'a pas eu ça. Lida, c'est un mélange entre Linda et Lisa quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, si tu veux, tu devais préparer 3 ou 5 tableaux, je sais plus, genre Guernica, etc. Les trucs quoi. Ouais. Et dire les dimensions, le présenter, etc. Et c'était à l'oral, ça je crois que ça durait 10-15 minutes. Enfin, je sais plus. Mais tu devais présenter le truc et tout. J'avais géré sa race. Mais moi je l'ai fait à la dernière minute comme d'habitude et c'est passé. Ah bah t'as eu de la chance, moi je l'ai bien préparé. 5 filles j'avais fait. C'est pas de la chance, c'est du nous, talent. Nous ça comptait que c'était, si la note était au-dessus de 10 ça. Et que ça faisait gagner 10 points. Sinon ça comptait pas. Ouais. Ok. Soit. Bon, voilà. Ce soir on n'a pas d'histoire de l'art, par contre on a différentes matières, à savoir je crois l'allemand pour débuter. Est-ce que quelqu'un a fait allemand Non, moi d'art, du d'art. Tout. Non. D'accord. Non, il y a que toi Anaïs qui a fait allemand. Moi j'ai fait allemand. Très bien, mais là je crois que t'as un petit rhume, tu vas pas pouvoir participer au cours. Non, là, c'est con. C'est dommage. Là c'est mort. Bon bah. Dommage, j'aime bien. Cours d'allemand alors. Bonjour. Je suis bonjour, Madame Lagerfeld. Bonjour. Bonjour Madame Lagerfeld. Lagerfeld. Tout en beauté Madame Lagerfeld. Oh putain, merci. Il commence à faire son lèche-boule. Ouais, oh. Mais c'est le nom qui veut ça. T'es relou, Alex. Vous pourriez défiler, Madame Lagerfeld. Waouh. Bah oui, je pensais à ça. Vous êtes de la même famille? On va arrêter là. Non. C'était. Ah oui, merci, madame. C'était lourd. Non, je ne suis tension. Pas de la même famille. Attends de voir, Madame Léger. Alors, en allemand, on dit Ich bin Frau Lagerfeld. Ça veut dire je suis Madame Lagerfeld. Ich bin Fräulein. Et là, je vais vous dire Wie geht's. Ça veut dire comment allez-vous? Quiet. Ya, yeah, ya. Yeah. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Das Vitania Tatiana. Ah non, c'est russe. Voilà. Vous n'êtes pas dans le bon cours, et monsieur comment on dit, Roberto. Comment on dit, genre, ça va bien? C'est cool. Good. Good. D'accord. Dire bien. Good, madame Lagerfeld. Vous êtes good. Guten Tag. Guten Tag. Ah bah bonjour. Ouais, je sais dire bonjour. Il y a un rapport, en fait. C'est déjà ça. J'ai gagné un point. Non. Merde. Bon, pour ce cours, ça va pas être compliqué. Enfin, peut-être pour vous. Ce sera un QCM. Ah. Pour commencer, ça va être des questions sur la prononciation, parce que c'est comme l'anglais, chaque lettre ne correspond pas au même son. C'est barbare. Le V pour vous se prononce soit en V, le V, soit le V se prononce F, soit le V se prononce C. Madame, vous pouvez nous imiter les sons pour qu'on comprenne mieux? Et on écrit sur l'ardoise? Écrivez sur l'ardoise, je vous en prie. V, B ou c'était v, comment? F ou C. F ou C. Et c'était quoi la question? Le V se prononce comment? C'est facile, madame. Moi, je copiais. C'est le F, madame. Moi, j'ai mis F aussi. Hein. Bah oui, c'est F, non? Je crois qu'on a tous mis F. Tout le monde a mis F, sauf l'autre, là. Bah, moi, je suis automne. Elle s'appelle automne. Hein. Automne, pardon. Vous avez dit 3. Non, il faut choisir. Elle a mis un chiffre? Il faut choisir entre le A, B ou C. J'ai jamais fait d'allemand alors. Copie, copie, ça se voit. Hein. Ah, je suis désolée, je vous compterai pas le point. Autant copie au pire. Mais du coup, c'est F. Vous avez mis quoi? F, madame. Je sais plus comment vous appelez. Exactement, le V se prononce F. Ouais, vous ouais. Avez tous un point. Merci, Alex, j'ai copié sur toi. Autant. Merci, madame. Je vais copier maintenant. Tenez. Tu copies pas sur moi, hein. Roberto. Et Thomas, va te lever. Ramasse mon bon point, s'il te plaît, Thomas. Allez-y, on n'est pas pressé. Thomas, il est lent. Hein. Tranquille ou biloute, hein, les filles. Tout le monde a son petit point? Oui, madame. D'accord. Non. Parce que t'as pas eu bon. Bah oui, mais toi, t'es pas bon. Violence. Le U, tréma. Et on va passer un pacte d'amitié. Mais comment tu l'appelles déjà? S'il vous plaît, voilà. Roberto. Madame, ça triche là-bas. Oui, non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il va chercher mes bons points pour moi. D'accord, je ne sais rien. Parce que j'ai un peu mal aux adducteurs. T'es une feignasse. Alors, oui, non, c'est ça. S'il vous plaît. Sinon, on va faire court, nous. Hein. S'il vous plaît. Il est nul. Le U tréma se prononce soit en U, soit le U tréma se prononce OU, soit le U tréma se prononce IE. Parce qu'il y a un U tréma. Madame, c'est quoi un U tréma? C'est un U avec deux petits points dessus. Madame, comment ça s'écrit IE? Tu mets juste comme le IE ou tu mets la lettre, tu mets C. Le son IE? Mais je sais pas l'écrire, le son IE. Mais elle triche, madame. Elle a regardé son mave. Je pense que tout le monde a marqué la réponse C, madame. Moi, j'ai écrit IE, mais... Oulala, IE comme ça. Moi IE. Et bah non, avec un Y. Le U tréma se prononce U. Seulement, le U normal se prononce OU. Mais madame, j'ai fait un U, hein. Ouais, bien sûr. Genre... Bon, pas de points pour personne. C'est dommage, on avait tous la même réponse et en fait, il y avait aucune réponse qui était bonne. Bah non, échec. Troisième question. Comment on écrit le oui et le non en allemand? Oh, je sais. Je vous le dis, le oui c'est ja, écrivez-le moi, et le non c'est nein. Je veux juste la bonne écriture. Ah bon? Ah, mon stylo, madame, il n'écrit pas beaucoup, hein, mon Mais stylo. Copie pas. Relou. Eh ben c'est pas gagné, hein. Alors Ya, je pense qu'on a tous écrit Ya Y A sauf Xena. Eh ben non, c'est Thomas qui a raison. Le Ya s'écrit J A parce que le J se prononce Y. Mais ça fait Ja. Ça fait Ya. Ja. Mais ça se prononce. Mais attendez, madame, on peut pas avoir tous faux quand même. Madame, vous donnez pas la leçon, il faudrait qu'on sache les réponses. C'est vrai qu'on peut pas répondre. Si vous avez c'est les une bases. Initiation. On n'a pas les bases étant donné que c'est le premier cours de l'année, madame, on peut pas savoir. Non, c'est vicieux. C'est pour savoir ce que vous connaissez. Bah, on connaît rien. Thomas, votre point? Il a un point. Et pour Nine, madame. Tu prends mon point aussi, s'il te plaît, Thomas? Prends mon bon point, Thomas. Merci. Ah, bah, moi j'ai raison. Elle est bonne. Si. Oui, effectivement. Est-ce qu'on peut avoir un bon point quand même, dame? Non. Bah, il me fallait les deux mots écrits correctement. C'est dur, l'allemand. Elle est pas marrante, hein. Ouais, voilà. Bah, comme les Allemands. Bah, oui. Quatrième question. À votre avis, le verbe sehen. Mais bien sûr. Veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire parler? Est-ce que ça veut dire trouver? Tout est bon. Est-ce que ça veut dire voir? Vous pourrez répéter le mot? Oui. Sehen. S-E-H-E-N. Et avec l'accent allemand, s'il vous plaît? Zen. Et ça veut dire quoi? Bah justement, je vous pose. C'était la question, Roberto. Hein. Ouais, mais j'ai oublié les trois propositions. Aussi, j'ai pas écouté, madame, s'il vous plaît. Parler, trouver, voir. Ok. C'est un sim, dame. C'est parce que c'est écrit avec le stylo qui écrit pas. C'est voir, parce que vous choisissez toujours la réponse. Il y a pas mal de voir, sauf. C'est effectivement moi. Le verbe voir. Oh, bah oui. Allez. Merci, madame. Les points. Thomas? Ouais, moi aussi, madame, j'ai un bon point. Thomas, il a trop de points, c'est pas juste. Thomas est fort. Thomas, il triche. À qui est-ce Thomas est allemand. À qui est-ce qu'il manque un point? Mais non, j'ai eu faux, moi. Bon, bah, c'est la vie. Son grand-père s'appelait Heinz. Je vous dis, parler se dit sprechen et trouver se dit finden. Sprechen, d'accord, madame. Point bonus. On s'en fout. Oula, c'est bon, moi, ça. Non, on s'en fout pas. Non, celui d'avant. Non, Alex, mais non. Tais-toi, on veut le point bonus. Alors, la plupart du temps, où se trouve le verbe dans la phrase? En quelle position se trouve le verbe dans la phrase? En deuxième. La plupart du temps. Oh, en premier. En premier, la première position, c'est toujours au début, madame. J'ai plus de oui. Non. Vous avez plus de oui? Bah, en dernier. À la fin, madame. En dernier. C'était quoi ta réponse? En deuxième. Eh bah, c'est ça. Ah, bah, j'ai écrit, moi, madame. Mais je peux. Fallait pas. Hein. Fallait l'écrire, non? Mais j'ai même pas eu le temps de répondre, okay, c'est quoi? Je prends. Merci. Bon, qui avait déjà répondu? Bah, moi, j'avais écrit sur le truc. Non, voilà. C'était un bon point, Laura. Merci, madame. C'était pas un point de rapidité? Merci, mademoiselle. Ouais, bah, t'attendras madame, la prochaine pardon. Fois. Vous voulez une glace à l'eau? Mais Roberto, tais-toi, tu cries trop, là. Bah, ouais, je sais, mais bon, je suis perturbé, là. Cinquième question. Si je vous dis was bedeutet das natürlich auf Französisch, ça veut dire ce qui veut dire que signifie natürlich en français. Est-ce que ça veut dire nouveau? Est-ce que ça veut dire naturel? Ou est-ce que ça veut dire évidemment? Je pense que c'est pas transparent. Pour vous, que veut dire natürlich? Je pense que c'est qui boit là? Arrêtez de boire, s'il vous plaît. On est en cours, bordel. Avoir, moi, je sais pas pourquoi. Vous pouvez redonner la phrase, s'il vous plaît. Toi, t'as juste t'as marqué la 2 alors que je suis sûr que c'est phrase. Pas la 2. Bah ouais, bah j'essaye. Hein. C'est la C, madame. Ah, mais c'est juste le mot naturlich qui est important. Ouais, mais ça sonne bien. Ça sonne un peu comme en 39-45. un C, vous avez mis le C. Oui, on a mis le C, madame. Le C. Ouais. Tout le monde. Non. Ouais, ouais. Maintenant, bah sauf l'autre, là. Moi, et bah non. Automne. Non, mais pas automne. Mélanie a raison. Wouh. Naturally, je veux dire naturel. Eh bah voilà, nanana. Ça, c'est nul, c'est transparent. C'est transparent. Je vais copier. Merci, madame. Et effectivement, bah c'est transparent. Des fois, il faut des pièges, des fois, ça l'est. Je prends moi, madame, s'il vous plaît. Normalement, il devrait arriver. Ah bah, il arrive non, c'est pas... parce que je l'ai gardé, madame. Alexandre, arrête. Alex, C'est Alex, c'est pas on Alexandre. Pas. Ouais, bah, ouais, c'est pareil. Je suis pas d'accord. On n'est pas potes tous les deux. Madame, mettez-lui une heure de colle, il arrête pas de nous embêter. Non. Sixième question. Que signifie bite? Ah bah c'est facile. Ah ça c'est facile. Est-ce que ça signifie s'il vous plaît? Tu veux voir ma bite? Est-ce que ça signifie merci beaucoup s'il vous plaît? Ah bah que... vous avez dit s'il vous plaît du non, coup. Non, je veux... non, pour dire s'il vous plaît, taisez-vous. Ou alors de rien. Que signifie bite? Vous avez dit quoi madame déjà? S'il vous plaît, merci beaucoup. Moi j'ai une idée, mais ça va pas oublier la réponse. Ouais, moi aussi j'essaye, mais j'en sais rien en fait. Je sais pas trop. T'as mis quoi, Thomas? Moi j'ai mis la A. Ah, d'accord. Moi je sais, c'est de rien. Ça, je le sais. C'est la A, madame, mais c'est parce qu'en fait c'est magique. Non, c'est Don Quichotte. Non, c'est la 2. Vraiment, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et bah, c'est s'il vous plaît, c'est la réponse A. Ah, j'ai un bon point, madame. Merci, madame. Mélanie, tu me donnes vous avez votre point. Merci. Je le prends, madame. Et il y avait Thomas. Oui. C'est pas une et Roberto aussi. C'est pas une vraie prof d'allemand. T'avais bon, Roberto? Oui. Je suis pas sûre, madame. Il fait un petit sourire, non, genre. J'ai dit, on ne triche pas. Je ne triche pas, madame. Madame, il avait mis la question B. Ouais. Ouais, tu triches, on Roberto. Triche pas, c'est pas sinon, bien. C'est moi, je vois pas de quoi vous parlez. Avant-dernière question. Comment dit-on merci? Et cette fois-ci, vous n'avez pas de proposition. Don Quichotte. Mais ah, on a répondu spontanément. Ouais, ouais on mais a raison. Pas ça. Bah, sûr que Dame Cochon. Ouais. Non. Dame Cochon. Don que. Je vous ai demandé merci. Don que. Don que. Exactement, c'est Don que. Oh, bah. Alors, nous, on a dit merci beaucoup parce que c'est plus poli, madame. Non, ouais, mais elle a demandé merci. Je vous ai juste demandé merci. Ouais, enfin, ça passe quand même, dame. Hein. Ouais. Écoutez pas, les gars. Je suis désolé. Hein. Écoutez un peu ce et que dit la prof. Et dernière question. Hein. Je veux que vous m'écriviez sur votre ardoise. M'écriviez, madame, si je exactement. Vais me permettre. Exactement. Attends, les profs d'allemand, pas français. Pas français. Bah, ça s'entend, hein. Je veux que vous m'écriviez... Tschüss. Comment? Tschüss. Tschüss. Tschüss. Qui veut dire au revoir en allemand. Ah. Ah bon? Je veux que vous m'écriviez sur votre ardoise. Bah, c'est pas gagné, hein. Madame, est-ce que je pourrais avoir un stylo? Tschüss. Thomas, il a écrit tschüss. Moi aussi. Tchuss. Ah, un stylo qui marche. Marche plus mon stylo. J'ai écrit ça dans votre langue natale. Alex, il manque plus que vous, si vous pouvez vous dépêcher un peu. Il y, bah y, oui, mais... y en a un juste ou pas, au final? C'est à mon avis. Non. Ah. Ça s'écrit T-S-C-H Utrema S-S. Okay. Donc vous avez absolument... Oui, mais enfin, c'est quand même difficile hein, quand on connaît pas de savoir comme ça spontanément. Chaque fois qu'on fait de l'allemand, il y a toujours une histoire de SS. Ah, je vous laisse partir, les enfants. À la prochaine. Madame. Au revoir, madame. Je vous remercie pas. Bordel, c'était relou ce cours. Ouais, ben j'ai pas trop kiffé parce qu'en fait, moi, l'allemand, mon papa il est français et ma maman elle est française aussi. Et du coup, j'avais pas fait allemand et du coup, je comprenais rien. Ah bah, moi, c'est pareil. Même si j'ai des cartes anglaises Pokémon. T'as des cartes Pokémon? Ouais. Ah, fais voir ce que t'as. Regarde, j'ai Charizard. C'est Dracaufeu en anglais. On se connaît pas. Ouais, mais il est super rare. Moi, tu le veux? Non, moi j'ai des cartes aussi, mais alors pas... c'est pas des cartes Pokémon. On peut échanger, genre? Vas-y, fais voir ce que t'as. Bah, moi j'ai un as, un as de trèfle, un pique et un cœur. Et je peux te filer la chanson qui va avec si tu veux. Ça donne quoi la chanson? Ça donne ça. Assis sur un banc, c'était au printemps, il cueille marguerite sous sont deux amants, au fur de douceur, ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale, d'humeur chaleureuse, je devenais brutale. La haine d'un maître n'est pas dans nos prérogatives, Tchernobyl, débile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille, je pense à elle, à nous, à nos cornets et Fanny, à sa boulémie de fraise, de framboise, de merdi, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trèfle qui pique ton cœur, las de trèfle qui pique ton cœur, las de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Je suis las de trèfle qui pique ton cœur, las de trèfle qui pique ton cœur, las de trèfle qui pique ton cœur, Caro. Comme le trèfle à quatre feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pic pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau, carreau. Ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. Hors d'une perte, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi, j'ai pris des billets verts. Il a fallu que je bouge, pyromane. Je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, Mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois, m'ont dans la main, fumant le même écho. Je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. Pas un élève, t'es une rivière, mec. Dylan en direct de la classe sur Indestar. Ce soir, c'est la classe, les amis. Et c'est la classe dans tous les sens du terme, puisque wow, on est bien habillé ce soir. Mais ça se voit pas parce que vous n'aurez pas le retour caméra. Nous sommes au collège, Caduc. Et donc, il n'y a pas de caméra de surveillance là-bas. Mais si vous avez envie d'écouter sur Twitch et notamment de réagir sur le chat, vous pouvez le faire. C'est ouvert et Linda répond à vos questions. Oui, oui, oui. On se désunit comme ça au pif. Ok. Allez, 1, 2, 3, c'est Linda. Wouh. Voilà. Ce soir, dans cette émission La Classe, nous partons au collège en niveau 4ème, qui est un niveau intermédiaire au collège. Facile. Débutant. C'est une classe charnière. Ah bon? Charnière? Bah oui, très importante. Mais cette classe. On n'est pas des portes. Non, mais parce que tous les ans ils disent ça. Ah bon? Cette année c'est charnière. Ouais. Tu sais, histoire de te mettre un peu la pression. Oui, c'est ça. Toujours. Non, mais attends, si tu rates ton brevet des collèges, t'es fini dans ta vie. Mais ça, c'est en troisième. C'est en troisième. Mais peu importe. Ouais. Mais c'est vrai t'as qu'au quatrième. T'as raté ta vie. Tu ne peux pas faire. Je sais pas. Je sais pas non plus. En fait, tu peux tout faire, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est histoire de mettre la pression et de préparer aux autres examens. Que sont le baccalauréat. J'ai jamais demandé mon brevet. J'ai jamais été le chercher. Oui, mais c'est la première marche aux autres expériences. Exactement. Voilà. C'est vraiment la toute première. C'est donner un avant-goût de la réussite, examen. Tu vois. Ouais. Réussir ou de l'échec, hein, au choix. Ouais, on est d'accord. Là, on va faire un cours de cuisine. Alors ça, c'est un peu banal au collège, mais c'est vrai qu'au collège Caduc, ils ont des cours de cuisine, donc on va en profiter. C'est un collège professionnel, parce que dans les collèges professionnels, on fait de la cuisine. Ah, tu as fait de la cuisine. Moi, j'ai fait de la cuisine. Ouais. Moi, j'avais un laboratoire de cuisine. Non, moi, j'en ai fait aussi. Ouais. Ou peut-être, je sais pas si ça se peut. Pour faire des pâtes. Hein, mais moi, c'était un truc sociologique, social et machin, donc il fallait faire la cuisine un peu, tu vois. Ok. Mais c'est pas plus mal. Ouais. Ça, au moins, dans la vie, tu peux t'en sortir parce que tu sais faire de la cuisine. Moi, ça allait, mais il y en a, franchement, c'était galère. Alors hein. Que les équations, oui, c'est autre chose pour vivre, ça sert moins. Hein. Oui, pour faire à manger, ouais. Moins. Ah. Oh, vous êtes où là? Ils sont où ces élèves là? Oh purée. Bonjour monsieur. On est là, monsieur. Ah, vous êtes là. Hop, hop, hop, hop, hop. On parle pas. Allez vous habiller déjà. Oui monsieur. D'accord. Il a l'air sévère le on monsieur. On va se laver les mains aussi monsieur. Oh, très bien, point. Faut vraiment mettre la toque là. Torsionné. Oui, vous mettez la toque. Vous mais mettez la toque, le maillot. J'ai fait le... 2 heures à me faire mon brushing ce matin. Mais ton brushing n'a pas ta place en cuisine d'ailleurs, c'est très moche. Mets ta toque. C'est vrai que c'est moche. Hein. Moi, ouais. Et c'est pas très bon dans. Tes ongles. Tu vas les couper. Hop, coupons. Moi monsieur, je me suis coupé les cheveux exprès monsieur. Oh le lèche-cul. Qu'est-ce que ça peut me faire? Déjà que c'était pareil. Mets ta toque. Monsieur, pourquoi vous criez? C'est normal. En cuisine, on parle pas, on crie. S'il a des toques. Monsieur, j'ai pas envie de faire cuisine. Alex, il a piqué mon stylo, du coup j'en ai pas. C'est pas, c'est vrai, pas très grave, vous avez pas besoin de stylo. Ah. En fait, si, mais c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on va commencer tout doux. Les œufs brouillés à la fondue portugaise. Non, j'ai. On se calme direct. Le bœuf bourguignon. Vous connaissez le bœuf bourguignon? Il y a pas de bœuf. Plat typiquement du terroir. Oui, monsieur. Ouais, ouais. Il vient d'où? De quelle région? De Bourgogne. De quelle région? Ouais, Bourgogne. Ah, de France. De Bourgogne. Il faut l'écrire? Non. Mais parce que c'est le bœuf bourguignon, du coup ça vient de Bourgogne. Ouais. Et je me rappelle parce que mon grand-père, un jour il nous en avait fait, je crois que c'était avant Noël. Ça y est, Alex, il raconte sa vie. Laisse-moi deviner, ton grand-père. Il connaît des gens, et il connaît des gens qui connaissent des gens. Il était viticulteur, oui, quand il était jeune, mais maintenant il est à la retraite, mon grand-père. Ah ouais? Parce qu'en fait il a 63 ans. C'est bien, raconte-nous pas ta vie. Bref. Du coup, le bœuf bourguignon, c'est fait en Bourgogne, évidemment. Vous savez qui est-ce qui a inventé cette recette? C'est pas forcément une personne, c'est plutôt un groupe de personnes. C'est Bourguignon. Oui, bah oui. C'est le groupe Bourguignon. Non, ce n'est pas une personne qui... non plus. Oh là là, faut tout leur apprendre à ces jeunes. Bourguignon, ça vient des... Bourguine. Bourguignon. Je savais que j'aurais dû te prendre... La bourguignade. Des ouvriers bourguignonnais. Presque. Les éleveurs, les paysans. Les moutons. Il faisait effectivement un plat à base de bœuf en Bourgogne. Donc le bœuf bourguignon. Ça se tient, monsieur. Ouais, c'est bien. Ne me lèche pas trop le cul, je suis déjà propre. Bref. Il va être lustré. Alors, on va commencer. Je vais prendre mon cours, attention. Mais comment ça marche le truc? Il est très technologique, oui, monsieur. Oui, on m'a donné un quelque chose. Un iPod. Oui. Non, un ail pour faire de la cuisine. Ah ouais, c'est écrit, bien, là, c'est bon, ça donne du goût. C'est ma fille qui a écrit dessus. C'est pour éloigner les vampires. Un téléphone. Non, non, non. Oui, un téléphone, voilà, c'est ça. Un point, non, je déconne. Rêve pas trop. Calmez-vous, direct. C'est pas trop hygiénique, les téléphones en cuisine. Mais je cuisine pas, là, je suis en train de faire court, madame. Elle a raison. Toi, tu vas dans le fond. C'est nous qui allons cuisiner. D'accord, monsieur. Est-ce qu'on va cuisiner, monsieur? Ouais, parce que c'est long, là. D'abord, avant de cuisiner, qu'est-ce qu'il faut faire? Se laver les mains, je l'ai dit, monsieur. Se mettre en tenue. J'ai mis du gel hydroalcoolique. Oui. Il faut se laver les mains quand vous allez cuisiner, mais là, vous n'avez pas cuisiné. Qu'est-ce que vous allez faire? Laver les casseroles, fermer sa gueule. On va bosser la fiche recette. Oui, c'est très bien, Alex. La fiche recette. Avant de. Vous savez faire un bœuf bourguignon? Ouais, mais il faut. Du bœuf et du bourguignon. Ok, vas-y. Vas-y, et Mélanie. Ben, il faut du vin déjà. Ouais. Faut de la viande, faut des oignons, faut des carottes, des clous de girofle, plein de choses quoi. De l'ail. Mais il faut du vin rouge, pas du vin blanc. Ouais, il faut du vin rouge. Exactement. Exact. Voilà. Un peu d'eau. Et faut laisser mijoter. Merci. Non mais ça, on sent pas les couilles. Surtout laisser macérer une nuit, non? C'est pas frais déjà là? Ça dépend effectivement des recettes. Faut du thym. Bon, Oui, il faut du thym. Ah ouais, du thym, ouais. Du thym. Du sel et du poivre, monsieur. Alex, si c'est pour dire sur de conneries, attention. Hein. La casserole, elle va aller dans ta gueule. Hein. J'ai pas entendu, monsieur, vous crier, j'ai plus de tympan. C'est vrai que monsieur, il crie. Hein. Non, je parle normalement, là. Bref, on aura aussi besoin d'un couteau. Bah, une planche alors attention, à couper, alors, point bonus. Une planche à découper. Mais j'ai rien dit encore. Point bonus. D'accord. Et de quel couteau s'agit-il? Qu'est-ce qui trafique mon micro? Le... Un couteau à d'office. Haché. D'office. Un de... Non. Un désosseur. Haché. Un désosseur non plus. Haché. Non plus. Ah, les minceurs. Un du coup. Pardon. C'est pas un. Ah si, c'est les minceurs. Ah mince. C'est les minceurs. Un point pour toi, jeune cuistot. Thomas. Tu t'appelles Thomas? Bah toi la minceur pour cent, c'est pas... Ouais, quoi que c'est mieux qu'il y a un moment, mais hein. Vous êtes méchants entre vous. Ça s'appelle le couteau éminceur, c'est le plus large, c'est ce qui permet de tailler émincer les légumes. Ouais, mais il devrait en abuser. Émincer, ouais, merci, t'as inventé le chaud toi, non? Non, mais ouais, t'aurais pu. Bah t'aurais peut-être dû. Bref, alors, nous avons notre éminceur. Nous allons commencer par couper des carottes et des oignons. En petit dé. Voilà, en petit dé, c'est bien. En petit dé d'un centimètre sur un centimètre, ça porte un nom, cette taille de légumes. C'est pas en cube, c'est pas en julienne, je sais que c'est pas en julienne. Ce n'est pas en julienne, vous allez l'écrire sur votre ardoise. En cubi. S'il vous plaît. Écrivez sur votre ardoise, c'est une réponse collective. Enfin, vous avez compris l'idée. Ici, les profs, ils veulent qu'on ait les réponses, soit donner la leçon, c'est n'importe quoi. C'est normal, c'est pour voir. En fait, j'ai tu. Cubi. Non, c'est un autre nom, les enfants, vous êtes pas. Enfin, franchement. Ah, quoi. C'est parce que lui, il a trop bu de vin, lui. Les enfants, mon grand-père était viticulteur. Ouais, bah, franchement. Hein. Non. S'en fout de ton grand-père. Alors, je vois des cubes, des dés. Ah, je sais. Mademoiselle, vas-y, écris. En Macédoine. Et non, mais c'en est une, c'en est une. Mais Macédoine, c'est plus petit. C'est un pays, la Macédoine. Les dés d'un centimètre sur un centimètre, ça s'appelle une taille mirepoix. Oh non, mais comment on peut savoir ça, monsieur? On est débutant dans la cuisine. Mais je veux pas le savoir, il faut le savoir. Si c'est mirepoix et c'est mi-quoi aussi. Mais rien du tout, tu regardes le four. Tu le surveilles, d'accord. Il doit monter à 200 degrés. D'accord, tu regardes. Monsieur. Dès qu'il est à 200, tu me le dis. On fait pas ça au four. C'est dur, monsieur. Qui est-ce qui a dit ça, là? Dans une poêle. Qui est-ce qui va en c'est prendre? C'est Rachel qui attention, est pas top. Hein. J'aime pas les balances non pardon, plus. Pardon, vous me voyez attention. Pas. Alors, donc nous avons coupé nos légumes. On va les mettre dans un faitout. On et met ça, de ça l'huile fait de... Oui. De... Alex, le four. C'est le truc c'est que principe. Vous mettez de l'huile d'olive dans un faitout. On va mettre ta tête. Et on va mettre les morceaux de bœuf dedans. Je on sais, va les faire... Sais. Écrivez sur votre ardoise. Mijoute. Il n'y a que de l'huile et le faitout, je rappelle. Hein. Ouais. De l'huile. Écrivez sur votre ardoise, ne dites pas à votre copain. Ça vaut des points, ce genre de truc. Ah oui. Mais vous avez oublié un truc, monsieur. Ah, je peux vous apprendre la recette ou pas? Non. Parce que ma maman, elle met de la farine dessus avant de faire ça. C'est pas tout de suite la farine, c'est après. C'est ça. Mais c'est bien d'avoir cité la farine, déjà. Alors cuire c'est pas mal mais c'est il va falloir être monsieur, un peu plus monsieur précis, je crois que j'ai la réponse moi. Mijoter pour ceux qui ont écrit mijoter c'est dans un plat en sauce. Bah oui. Mais qu'est-ce que t'as écrit? J'ai écrit revenir parce qu'ils sont en aller et du coup ils reviennent. Oui. Il a copié sur moi. Saisir Mélanie. Oui. Oh, un point pour Mélanie. Ouais. J'aurais dit t'aurais triché. Je peux avoir mon point, s'il vous plaît. Oui. Mais Alex, il triche sur moi, là. Oui, Alex, il a triché. J'ai parce pas triché. Au début, il avait mis mijoté. J'ai vu qu'il avait mis mijoté, mais de toute la manière, il a... que ça soit l'une ou l'autre, il a faux. Alors... Ouais, mais s'il aurait eu bon. Oui, mais c'est un principe. La seule chose qu'il peut faire, c'est regarder le four. Oui, regarde le four, toi. J'ai chaud à la tête, alors, monsieur. Donc, vous saisissez les morceaux de bœuf. Après, vous les enlevez et vous mettez les carottes et les oignons. On est d'accord? Oui, monsieur. Dans le même faitout, hein. Après, vous rajoutez la farine. C'est là, Mélanie, qu'on rajoute là. La farine. D'accord. Avec les morceaux de viande. Donc, il y a la carotte, les oignons, la viande et la farine. Comment s'appelle le procédé de rajouter de la farine dans un plat de ce type-là? Fariné, faut l'écrire, monsieur. Faut l'écrire. Écrivez-le, évidemment. Attention, c'est un nom. C'est pas exactement ça, mais... Non. Pensez plus animal. Hein? Ouais. C'est ça? C'est un indice. Non. Je sais pas ce que t'as écrit, mais c'est pas ça. Alors, ça peut être ça. Alex, je ne comprends vraiment rien du tout à vos hiéroglyphes. J'ai marqué enfariné, monsieur. Serez-vous égyptien? Ça existe ça? Je sais même pas. Carné si c'est... Non, ça existe pas. Non, ce n'est plus utilisé comme mot. Silicone carné. Oui, effectivement, mais ça n'a rien. Enfariné comme ta gueule. Non. Vous n'avez vraiment pas d'idée? Alors, c'est pas grave. C'est pas ça? Je vous le. Bah non. Bah c'est quoi alors? Mais il y a écrit quoi sur ton ardoise, Jésus? Tamisé. Mais ça... Non, c'est quand on fait un gâteau, ça! Chinois, croisé tant que c'est pas grave. Je salue l'effort. Voilà. C'est des gondoles. On dit singer. Ah. Mais comment on peut savoir ça? Singer, ça veut dire faire la même chose que l'autre. C'est la machine non, à coudre. Ça veut dire mettre de la farine sur de la viande. Ouais. En train de cuire. Non, c'est la machine à coudre. Il y a aussi amassiger un coude, il y a aussi faire le singe. J'ai même il y a pas mis de... Personne j'ai même qui a des points du coup. Hein. Points, pour là. L'instant, nous avons que Mélanie qui a un point. Ah, nous avons Thomas qui a un point. Non, je l'ai pas eu, mais il a marqué là, le prof alors. Ah bah oui, mais... C'est normal, moi je préfère écrire que donner des points. Alors, Mélanie, du coup, nous avons mis la farine dans le faitout. Nous allons faire torréfier le tout. Nous prenons le faitout. Mais qui est-ce qui mange des bonbons là? On non, est en cuisine là, on mange pas des bonbons hein. Attention, hein, c'est pas bon pour les dents. Zéna, elle a pris un bonbon, monsieur. C'est pas vrai, monsieur. Il balance. Vous avez dit que vous aimez pas les balances. Crache-moi ça dans la poubelle. C'est Alex. Alex, regarde le fond. Alex. J'ai chaud, monsieur. Il est pas à 200 encore. Tiens le coup. Alors, vous faites torréfier le four à 200 degrés. On fait du coup, est-ce qu'il est à 200 degrés? Non, il était qu'à 198. Il est à 180 là. C'est bien. C'est thermostasis, monsieur. Pendant à peu près 5-6 minutes. Monsieur, torréfié, qu'est-ce vous êtes que ça veut dire? Torréfié? Oui. Chauffé, ça suffit pas? Non. Torréfié, est-ce que c'est un rapport c'est avec les taureaux? Torréfié, quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est torréfié? C'est pas que le café. Attention, ça n'a rien à voir. C'est des morceaux de taureaux qu'on fait cuire. Coloré, effectivement. Caramélisé. Donc ce qu'on va chercher, c'est à colorer la farine. Caramélisé. D'ailleurs, si vous avez suivi, on n'a pas mélangé la farine avec la viande et les carottes et les oignons. On l'a juste posé dessus. Ah. On a singé. On fait torréfier la farine et une fois qu'on le sort du four, on mélange. Monsieur, on peut pas faire des pâtes? C'est plus facile. Non, on fait pas des pâtes en cuisine. Rapide, hein. Les pâtes, ça n'existe pas en cuisine. Parce que moi, j'aime pas le bœuf bourguignon, monsieur. Hein. Bah, fais des pâtes. Bah, tant pis, tu mangeras du bœuf bourguignon comme tout le monde. Donc, vous sortez votre faitout du four, vous le mettez sur la plaque, vous allez rajouter un liquide, le vin rouge, évidemment. Oui. Un vin rouge de qualité, un vin rouge qui se boit... Celui de mon grand-père. Peut-être, ça dépend, il est peut-être mauvais. Le vin rouge d'Anjou. Il n'est pas mort, ton grand-père. Comment s'appelle le fait de rajouter du vin rouge dans un plat? Enfin, un liquide dans un plat. N'arrête de copier, toi! Et ne me dites pas assaisonné parce que... Vinzé. C'était quoi déjà? J'avais un mot mais je sais plus. Comment s'appelle le fait de rajouter? Non mais Mélanie. Mais j'aide mes camarades. Elle a, monsieur. Elle a dit mouiller, c'est n'importe quoi. Bah ça dépend. Vinifier. Alors non, vinifier, ce n'est pas quoi? Liquidifier. Moi j'ai mis liquéfier moi. Vous êtes vraiment bizarre, nul hein, les copains. Hein. Alors le point ne sera pas accepté pour Xena. Mais pourquoi monsieur? Parce que tu as copié sur. Mais pas du tout. Noémie aussi dis donc. Alors c'était bien mouillé. Quoi? C'est facile. Mélanie, vous n'avez pas le point. Oh, mais j'aide mes camarades, ouais, ils sont nuls. Oui. Alex, voilà, tu ne peux pas avoir la réponse, tu n'es pas une fille. Personne n'a le point, je ne prends pas de copieur ou de tricheur. C'est attention, je surveille Charcut de Bellarmé. Méchant, monsieur. Vous mouillez au vin rouge votre fait tout. Bah, monsieur, c'est un peu bizarre votre phrase. Hein. Ouais, franchement. Moi, j'aime pas l'improviseur. Hein. On est en cuisine ici. Arrêtez toute allusion à autre chose. On est en cuisine. Alors. Je veux dire, monsieur Boulard. Notre cœur change, monsieur. Vous rajoutez. Le cœur change. Vous rajoutez le fond de veau. Vous savez ce que c'est du fond de veau? C'est de la poudre, monsieur. Oui, c'est de la poudre pas bonne qui donne pas de goût. C'est non, c'est un cube. Mais là, ça va être pas forcément. C'est de la poudre. Non, c'est de la poudre que tu mélanges. Cuisiner avec du cube. Le cube. Toi, c'est les cubes magie, toi. Ouais. Faut tout leur apprendre. Ce qui est magique, c'est bref. C'est de la merde, vous pouvez le dire, monsieur. Hein. Ouais, ouais, clairement. C'est dégueu en plus. Hein. Vous rajoutez un peu d'ail, de l'ail écrasé. Tu fous un grand coup pour faire fuir les vampires. Exactement, on prend son couteau, son éminceur, on écrase la gousse d'ail avec son éminceur. C'est mon grand-père qui fait attention, ça. Attention, on tourne pas le couteau sur le côté de la lame. Moi, mon grand-père, d'accord. Il fait pas ça. Et on rajoute ce qu'on appelle un BG. Un quoi? Non, pas un beau gosse. Attention, bah c'est pas Alex, en tout cas. Hein. Vous écrivez la définition de BG sur votre ardoise. T'as pas compris la question. C'est ce qu'on rajoute dans le... Ça se rajoute effectivement dans le plat. Qu'est-ce qu'un BG? Ça se rajoute, bah je sais pas. En cuisine Non, c'est pas une belle gosse en cuisine. Ça a une définition, le BG. C'est pas ça, mais c'est pas grave, j'essaye. Ben ouais, mais non. Mais Alex, on comprend rien ce que t'écris, je peux pas copier là. Elle a dit qu'elle allait copier, madame. Monsieur. Mais je comprends rien. Qu'est-ce que t'as rien écrit, toi, d'accord. Mais c'est okay. Quoi cet indice de pas terrible, quoi? C'est bon. Pas bonne boule quoi, bonne goule. Bonne bourre aussi. Pardon. Moi, j'ai écrit background. Non, mais non, mais. Mélanie. J'ai rien pour vous, monsieur. Maintenant, vous êtes mon meilleur élève avec un point. Ouais, d'accord. À égalité avec Thomas, d'ailleurs. Ça s'appelle un bouquet garni. Oh, mais oui. Ah, bah oui, mais tout le monde le sait. En cuisine, on appelle ça BG parce que moi, flemme de dire bouquet garni quand même, on a autre chose à dire. Rien c'est à des voir. Flemmards, les cuisiniers, monsieur. Ça dépend sur quoi, mais sur la parole, ouais. Ok. On parle fort, mais pas beaucoup. Vous le voyez bien, je parle pas beaucoup. Je crois qu'on va tous avoir une moyenne de merde à ce cours. Dans un bouquet garni pour un bœuf bourguignon, qu'est-ce qu'on peut avoir des comme fleurs un... Attention, ne répondez pas. Je vais commencer par Rachel, citez-moi un ingrédient du bouquet garni. Mais en fait, j'ai pas compris ce que c'était bouquet garni. Ok, c'est pas grave. C'est... Non, mais allez, c'est ce qu'on... Je vous ai pas dit d'écrire. Vous allez le citer à l'oral. C'est ce qu'on rajoute à la fin. Triche pas, toi. Non, c'est pas à la fin. On est loin. On est qu'au début. Un bouquet, c'est un bouquet déjà réfléchi. Monsieur, moi je sais, j'en ai plein. Alex. Du persil. Du persil. Du persil. Oui. Du persil. Une fleur comestible. Sans deck. Non. Pas dans le bœuf bourguignon. Alors, Alexis. Du thym. Zéna. Du basilic. Non, il n'y a pas de basilic dans le bœuf bourguignon. Bah, du thym. Noémie. Du thym. Je l'ai dit, merde. Je l'ai dit. Du laurier. Du laurier. Du romarin. Thomas. Ouais, mais ils ont dit que c'est que je voulais dire. Du clou de girafe. Ils comptent pas ce qu'ils disent. Du clou de girafe. Tout ce qu'ils donnent, c'est des indices pour toi, donc. Du romarin, monsieur. Il faut dire du romarin. Dis un truc. Dis romarin. Qu'est-ce qu'il peut y avoir allez, dans un bouquet garni? Répète après moi. Si c'est bon, j'ai le seum. Romarin. Oh, tu sais pas. Dis, tu sais pas. Il est nul, Thomas. Du clou de girofle. Je peux réessayer du clou de girofle? Eh ben non, parce qu'il n'y a pas de ça dans le bouquet garni. Romarin, monsieur. Eh ben non. Non plus. Curry. C'est comme alors, ça. Attendez. Il y avait du laurier, du thym, du poireau, de la branche de céleri et du persil. Ça, c'est dans le bourguignon traditionnel. Voilà. Bref. Moi j'avais dit le thym. Après on peut rajouter un peu de tout qu'est-ce qu'on veut finalement. Bah oui. Chier. Évidemment, je parlais de la recette de base. Mmh. Mais parce que mon grand-père, il aime bien rajouter du romarin. On a un bonbon, monsieur. C'est ça n'a rien à voir. C'est non, pas la Provence pas non plus. Hein. Vous portez votre préparation à ébullition quand vous avez mis votre bouquet garni, le vin rouge, la viande, les carottes, vous avez tout dedans. Ça veut dire que ça boue. Si vous me demandez ce que c'est ébullition, je peux le dire. Je t'ai rien demandé, toi. Je viens de dire que ça bouillait. Bref. Ça bouillir. C'est quand ça fait des bulles. Vous recouvrez d'un couvercle au four pendant 2 heures à 180 degrés. T'as bien vérifié qu'il était diminué, du coup. Ah bah oui, en thermostatisme. Tu sers à quelque chose pour une fois. Il est tout rouge, Alex. Voilà. Donc pendant 2 heures, pendant ce temps-là, bah on va pas se tourner les pouces, on va faire autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire pendant que le... On va se tirer l'élastique. Une garniture à côté. Aromatique. Non, je sais pas, j'en sais rien. C'était pas une question avec un point. Hein. Des frites. Non. Nous allons préparer autre chose. Nous allons préparer des petits oignons glacés. Une salade. Suffit de les mettre au congélateur, monsieur. Et ils sont glacés. Non, c'est ils bon. Sont pas glacés pour de vrai. Dans glacés, la glace. C'est fait de les cuire. De... Ils viennent du pôle Nord. C'est qui a dit ça? Moi, je veux pas les oignons du grand-père d'Alex. Je vais vous donner de la glace à l'oignon. Vous allez voir ce que ça fait. Donc, on fait cuire les petits oignons glacés. Donc on les fait revenir dans ce poêle. Ah poils, du coup ils voilà, sont chauds, ils sont pas brunis. Ils sont chauds, ils sont pas avec glacés. Avec du beurre peut-être, monsieur. Glacé c'est l'aspect qui est c'est, bleu. Oui. Hein avec du beurre peut-être. Avec du beurre. Est-ce notamment. Que ça veut pas dire caraméliser l'oignon? Non, pas caraméliser, mais presque brunir. On dit brunir. Ouais, caraméliser c'est avec du sucre et tout ça. L'oignon y a pas de sucre. Et les prunes ne comptent pas pour des prunes. Ça dépend. Ça dépend. Je suis obligée cuisine, d'être à côté de papa. Après vous faites cuire les champignons. Vous les faites dégorger, vous champignons en faites de Paris. Les champignons de Paris, effectivement. Ah, ça va un bon point, ça. Non. Oh. On va ensuite faire cuire des lardons. Mais oui, dans la recette originale de base, il y a des sans lardons. Sans matière grasse. Bah heureusement, c'est déjà gras le lardon. Et sans nitrite maintenant. Alors, avant de les faire cuire, effectivement, avec une matière grasse, il n'y a pas besoin de toute façon. On va les mettre dans l'eau. On va les faire cuire dans l'eau. Les blanchir, monsieur. Non. Si, c'était ma. Ah mince! Ok, vous avez tous perdu un point. Blanchir! À cause de l'autre là! Donc, oui, vous faites blanchir les lardons pendant 1 à 2 minutes dans de moi, l'eau. Moi je me donne un c'est point. C'est marrant parce qu'on les fait brunir, après on les fait blanchir, ça fait Michael Jackson quoi le truc. C'est un peu ça. C'est ça. Et après, on va les mettre dans une poêle pour les faire. Écrivez sur votre ardoise. Bah blanchir du coup. Non, non! C'était dans l'eau ça! Mais tu les sors de l'eau après. Mais c'est quoi la question? Oh putain, c'est dur. Une fois que tu les as cuits, enfin une fois que tu les as blanchis dans l'eau, tu les mets dans une poêle pour les faire. Il y a un autre terme que revenir. Revenir, c'est pas un terme cuisinier. Oh, c'est encore le même. Mais ça marche pas. C'est pas loin. Poêler. Ouais, c'est pas mal. Poêler, j'aime bien, mais c'est pas ça. C'est encore bien. Ça. C'est celui-là. Non. Non. Alors, attendez, je vais reformuler ma question si vous voulez. Vous sortez, vous égouttez vos lardons de l'eau et vous les mettez dans un sautoir. Pour les sauter. Oh. Ah bah oui, alors ça change tout. Mon stylo. Non, pas vraiment. Vous faites la même chose, c'est juste que ça vous a... J'écris monsieur, hein, j'écris la première. Hein. Dans un sautoir, tu fais frire. Je sais pas, merde, c'est gras alors. Attends, tu fais frire des lardons. C'est pas assez gras. C'est un concept, c'est un concept. Bon, je pense que vous avez sauté. Tous compris que c'était sauté. Ah oui. Ah, c'était sauté. D'accord. Bah, apparemment pas. Non, apparemment non. Elle a tout mis l'autre. Ouais. Elle s'appelle pas l'autre, elle s'appelle Automne. Elle a tout mis, mais elle a tout faux. Automne elle a mis ruisselé. Elle a tout. Du coup, on a un bon point, monsieur. Oui, vous avez un bon point. Ah oui. Ça tombe bien que Zena vous parlez de bon point, c'est votre premier. Oui. Tout le monde ou pas, monsieur? Il a marqué, je crois. Non, elle en a pas. Bref. T'en as pas, Autumn. Autumn, elle a pas de bon poste. Vous mélangez. On arrive bientôt à la fin, accrochez-vous, c'est pas fini. Vous allez mélanger les champignons, les lardons et les petits oignons glacés. On peut mettre un peu de crème fraîche, monsieur. Non, pas tout de suite. C'est pas dans le bourguignon. C'est pas dans le bourguignon. Oui, mais c'est bon. Fraîche. Vous pouvez sortir votre faitout, ça fait 2 heures. Vous le sortez du four. Il fait tout, le faitout. Et vous allez enlever la viande du fond de veau, enfin de la sauce. Comment s'appelle le fait d'enlever la viande de la préparation, de ce qui reste? Petit indice, on enlève ça avec un écumoir. Ouais, mais non, c'est pas une... Ça m'étonnerait que ça soit ça. Hein. T'as rien écrit, Alex, là? Bah si, c'est parce que le crayon, il écrit pas trop. C'est pas ça, hein. Non. Non, c'est pas ça. Hein. C'est avec un écumoir, mais c'est pas écumé. J'ai écumé, mis divorcé, c'est autre chose. Écumé, c'est le fait d'enlever la mousse... De la sauce. Voilà. Ouais. J'essaye un mot, mais... C'est bien tenté, Noémie, mais je... Non. C'est pas divorcé, alors. Ah, c'est divorcé qui a écrit, non? Non, je suis encore en couple. Oui, le stylo, il marche plus. Moi aussi, il écrit plus beaucoup, mon stylo, je vous avoue. Moi, je peux mettre écueillir. Bon, c'est pas ça. Hein. C'est dans les arbres, ça. Mais j'avais mis écumé, vous avez dit que c'était pas ça. Oui, quelqu'un de là? Quelqu'un y est? Écumé, monsieur? Non. Non. Oh. Décanté. Ah, bah, c'est pas du tout la même chose. C'est comme en chimie, ça. C'est exactement ça. Tu enlèves la viande de sa sauce, donc tu décantes. Mm-hmm. Moi, je peux me tromper. Hop, tu enlèves ta viande, voilà. Moi, je l'ai dit, monsieur, hein. Décanté. Tu non, passes... elle a rien dit, la mytho. Oui, elle a rien dit. Bah, je viens de le dire. Tu passes ta sauce, du coup, au chinois. Ou au tamis, c'est comme tu veux. Ou pas, ouais. Pas au japonais. Selon ce que t'as. Non. C'est pour ça que j'avais mis tamisé, parce que pour moi, quand on fait des gâteaux, on met le. On fait un bœuf bourguignon, bordel. Et au tatami. Mais pour la farine. Non, pas au tatami. Mais la farine. Et après, que la farine, c'est pour la sauce. C'est pour la sauce. Là, c'est pour enlever tout ce qu'il y a dans la sauce. Donc les carottes, le bouquet garni, tout ça. Dit. Il reste plus que la sauce, le liquide de la sauce. Vous la mettez à feu, enfin sur le feu. Hein. Vous la faites réduire. Petit à petit. Il reste plus grand chose. Elle s'évapore. C'est pour l'alcool, sinon on va être saoul après. Oh, ça a dû s'évaporer un petit peu. On va être pété. Ouais. Après, vous pouvez remettre tous les ingrédients dedans, sauf le bouquet garni, évidemment, parce que ça ne se mange pas. Donc, vous remettez vos carottes, vos oignons, vous mettez votre viande, vous mettez les petits oignons glacés, les champignons, les lardons, le tout, et vous pouvez servir. Mmh. C'était pas compliqué, bordel. Un petit peu quand même par rapport aux pâtes. J'aime toujours pas le bourguignon. Hein. J'ai jamais dit que j'aimais ça. Faut savoir le faire, c'est tout. Ça sert à quoi de savoir le faire quand on aime pas, monsieur? C'est la tradition, mon petit bonhomme. C'est la tradition. Pensez à votre grand-père qui vous regarde. Oui, mais si on n'est pas français. Il me regarde pas. Eh ben, si t'es pas français, c'est la tradition de ton pays de le faire. Il est parti en vacances en ce moment. Il est parti en vacances de la retraite. Ah, ouais. Moi, je suis coréenne, monsieur. Hein. Vous pourrez lui dire que vous avez pas eu de très bonnes notes en cuisine, visiblement. Mais il est mort. Non. C'est pas grave, qu'il soit mort ou pas, il a pas eu de bonnes notes quand même. Crois que je n'ai aucun élève qui a eu la moyenne. C'est triste, c'est triste. Mais c'est parce que vous êtes sévère, c'est vous tout. Savez quoi, je vais vous faire une question bonus. Ah. C'est bonus que si. Je vais commencer par réponse. Toi, Rachel, attention. Citez-moi une cuisson d'œuf. D'œuf brouillé. Brouillé, comme mon nom, c'est bien. Ah oui. Allez, un point. Trop facile. Alex. Mollet. Bien. Comme ma jambe. Poché. Bien. Plat. Bien. À la coque. Oui. Thomas, t'es dans la merde. Dur. C'est bien, Thomas. Ah, c'est parce qu'on a dit, on a dit les plus durs avant. Est-ce que quelqu'un d'autre il est? Oui. Un œuf. Moi. Une omelette. Quoi, ça marche? Mais ça, ouais. C'est pas un. Un œuf omelette. Bah oui. N'importe quoi. Mais si. Bah, techniquement, c'est brouillé. Sur le plat. Ouais, bah, brouillé. Je compte pas. Sur le plat. Comme votre nom, monsieur. Sur le plat. Quand on fait cuire que 3 minutes là et on enlève le. Bah, c'est le c'est poché, mollet ou à la coque. On l'a déjà dit. À la coque, sur la coque. À la coque, on l'a déjà dit. Sur le plat. Non, sous le plat. Sous le plat, monsieur. Alors, techniquement, il n'en manque qu'une seule. Ma crue. Alors, non, c'est pas un mode de cuisson du coup. L'œuf dur. Ah non, non, déjà dit. Il y a des choses que vous faites cuire avec une certaine matière tout le temps. Genre la viande par exemple. De matière grasse. À l'huile. Beurré. Frit. Ah oui. Un œuf frit, monsieur. Un frit, ça existe. Mais c'est pas souvent. C'est pas très souvent, je vous le conseille. C'est pas trop en cuisine. Non. Oh non. C'est mais ça existe. Ça se fait, ça se fait. Il y a différents. Ouais, ça existe. Voilà. Bref. Vous êtes mauvais, hein, je tenais à vous le dire. Oh. Vous pouvez sortir par là, je vais pas vous garder, je crois. Au revoir, monsieur. Ouais, au revoir. On remet les toques, monsieur. Non, vous les gardez. Jeunes gens. Allez, Rentrez. Allez, allez, allez, asseyez-vous, s'il vous plaît. Bah, oui, madame. Vous êtes encore fait remarquer au moment de la pause méridienne. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Non, c'était la pause du midi, madame. Bah, c'est la pause méridienne, jeune homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Encore une bagarre? Mais c'est Alex, il fait de la merde. Oh là non, là. C'est pas ma faute. En fait, on était au CDI et j'étais en train de lire le livre sur la vie des chouettes en milieu tropical. Et Xena, elle est venue, elle a dit « Oh, mais il est chouette ton livre !» Alors moi, je lui ai dit « Bah oui, effectivement, c'est le sujet, mais elle me dérange parce que j'étais en train de lire le chapitre sur la reproduction. » Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit genre « Ouais, de toute façon, vous les garçons, vous êtes tous pareils, vous pensez qu'à ça. » Et bah moi, je lui ai dit que Valérie mieux penser qu'aux chouettes qu'à son maquillage. Et là, genre, elle a voulu me prendre les livres des mains, quoi. Alors, moi, j'ai juste retenu. Mais en fait, le livre, il s'est coupé en deux. Et, comment ça? Il s'est coupé en deux? Bah ouais. Et j'avais plus qu'une demi-chouette. Oh. Alors là, j'ai dit genre, j'ai plus qu'une demi-chouette. La pauvre chouette. Et ouais. Et là, quoi? Et ben là, en fait, elle m'a envoyé l'autre partie de la chouette dans la gueule. Et ça faisait vachement mal, quoi. Et ensuite, la dame du CDI, elle est arrivée. Et genre, elle a dit quoi? Elle a dit, on est trop des gamins. Alors qu'en fait, c'est trop. Xena, c'est trop une gamine. Et ouais. En plus, après, bon, la dame c'est du bien. CDI, tu racontes de la merde. Xena, Xena, est-ce que vous avez la même version que ce jeune homme? Mais non, mais. Ah ouais, mais non, en fait, madame. Oh là là. Pas du tout. Alex, il dit des conneries. Hein. Non, trop pas. Hein. Alors déjà, tu parles mieux, s'il te plaît. Mademoiselle, vous parlez mieux. D'accord. Merci. Mais en fait, moi, effectivement, je suis allée le voir et j'ai vu qu'il avait un livre sur la chouette et je me suis dit, je peux aller regarder avec lui. Je lui ai demandé quoi. Et lui, il m'a envoyé bouler en me disant qu'il regardait la reproduction des chouettes et que c'était pas fait pour les filles et que à ma place, je devais aller me remaquiller. Ouais, d'accord. Donc en gros, vous avez plus ou moins la même histoire vous deux. Hein. Vous êtes moi en vrai. Non, non, madame, attendez, c'est pas fini. Ouais. Il a dit que c'était horrible pour ses yeux, déjà mon visage, qui n'est pas très très gentil. Ça c'est méchant, Alexandre. J'ai pas dit ça. Hein. Ça suffit. Bah, du coup, moi forcément, madame, je me suis fâchée quoi. Et je lui ai pris le livre des mains. Et voilà. Je me suis dit que. Il n'était pas déchiré à ce moment-là. Et j'ai dit que j'allais me plaindre à madame du CDI. Ouais, bon. Ça y est, t'as terminé sur tes arguments? Pas du tout. Ouais. Attendez, parce que du coup. Et l'autre, il avait quoi? Il m'a attrapé le bras, il m'a fait mal. Ouais, bon allez, c'est des enfantillages tout ça. Mais ça suffit. Il m'a attrapé, madame. Mais je ne veux plus rien entendre. Bande de fripons! Elle a utilisé le mot fripon. Madame, oui. Madame, il est macho. En plus, il a insulté, il m'a tapé. Ça suffit. Pour calmer votre énergie, vous serez collés une heure ce mercredi après les cours et vous aiderez juste le personnel. Xena. Non, vous deux, ça suffit. Mais non, mais... Les bagarres sont interdites au sein de l'établissement. Et vous aiderez le personnel d'entretien pour le nettoyage des classes. Et à l'issue de cette heure, vous me ferez un petit résumé de 10 lignes sur la violence. Et vous me donnerez votre avis à ce sujet. Mais madame, c'est pas une bagarre s'il est tout seul à se bagarrer. Non, mais vous avez quand même arraché un livre avec la pauvre chouette à l'intérieur. Mais c'est lui qui l'a arraché. Mais ça faisait deux demi-chouettes du coup. Mais t'avais qu'à pas regarder la reproduction. Écoutez, filez, ça vient de sonner, retournez dans votre classe. Je ne veux plus vous voir, à mercredi. C'est injuste. Ça c'est pas chouette hein. Je vous dis pas au revoir, madame. C'est l'histoire de Thomas, de Lise et de Léa, de Mathéo, Zoé et Lucas. Ils habitent en France, au Canada ou en Belgique. Ils ne se connaissent pas, mais ont pourtant un point commun. Ils écoutent Indestar. Indestar. Original, reprise et mash-up, des émissions déjantées, des découvertes et du fun toute l'année, du bout des doigts, sur ton smartphone, ta tablette ou ton ordi. Indestar.fr, TuneIn Radio, Deezer ou Orange Radio, choisis ta plateforme d'écoute et viens rejoindre la communauté Indestar, là où tout commence. Chaque vendredi et unique sur Indestar. Je suis spéciale. Les spéciales du vendredi soir, c'est chaque vendredi en direct dès 21h sur Indestar. Là où commence le week-end. Le direct. Indestar.fr. Les podcasts. Indestar.fr. Retrouvez un titre passé sur l'antenne. Indestar.fr. Les infos sur les émissions. Indestar.fr. Les vidéos. Indestar.fr. Les infos artistes. Indestar.fr. Le café du matin. Indestar.fr. Une voiture diesel. Indestar.fr. Des lasagnes au poulet. Indestar.fr. Waouh, il y a beaucoup de choses sur Indestar.fr. Mais je ne suis quand même pas certaine pour les trois derniers. Indestar. Là où tout commence. Indestar, là où tout commence. Said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown ups. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dancing. Et oui, c'était le titre Bam Bam de Camila Cabello, bam, bam, mais bam, repris bam, par Finn sur Indestar. Bam bam bam bam bam bam bam bam. Le hit de l'été, ça. Ah ouais. Eh hey gros, c'est trop la classe ton pull. Il est à toi? Mais non, il est à rayures. Allez, tous en cours. Oui, tous en cours sur Indestar. Je suis trop un bolos, moi. Combien font 4 et 17? Ça doit faire à peu près Schtroumpf. La circonférence du cercle. Moi je sais, c'est depuis Schtroumpf. Où se trouve la Finlande? Juste au-dessus de la Schtroumpf. La capitale de la Hollande. Pour les plus vieux d'entre mais vous, vous aurez Dorothée. Reconnu Dorothée. C'est bah trop oui. Trippant, sérieux. Trop bien, ça, ça m'est c'était ça pas le générique des Schtroumpfs, mais une des musiques des Schtroumpfs. Ouais. Les fameux petits personnages bleus avec les maisons en champignons. Non, parce que c'est pas le générique. C'est pas ton époque. Et puis c'est pas ton époque. Ah si, si, c'est bien mon époque, au contraire. C'est pas faux. Alors, ce soir, la classe, si vous nous rejoignez, sachez que nous partons au collège en niveau 4e et que nous allons en cours. L'idée est d'autant d'obtenir le plus possible de points pour être le meilleur élève et à la fin obtenir un diplôme ou en tous les cas pas se faire décapiter par des violences, des profs violents qui nous détruiraient un petit peu si on est le moins bon élève. Vous pouvez jouer à la maison, vous pouvez répondre aux questions également et puis apprendre des choses hein, puisque on est quand même une émission culturelle. Hein. Enfin, on essaye. J'avoue que ça change. On a fait de l'allemand. Très culture. Hein. Qui avait fait allemand avant? Personne bah, à part j'ai appris des choses. Moi oui, non, on a fait de la cuisine, on a appris quand même à faire un bœuf bourguignon. Ce qui est pas peu dire. Ah, ouais. J'ai tout oublié. Oui, moi aussi. C'est une vraie recette que je vous ai donnée. Bœuf bourguignon avec le bouquet garni. Avec le fameux bouquet garni. Le bébé. Bouquet garni qui n'a pas de basilic. Non. Mais du persil. Ça reste à travers la gorge. Hein. Ah oui. Exactement. Et là, nous allons partir en classe d'anglais. Oh. Donc, cours traditionnel. Ouais. En quatrième, en principe, c'est la. Si on prend en première langue, on est déjà sa, au moins sa troisième année d'anglais. Maintenant, même peut-être plus si vous avez fait ça en primaire. Et puis, si vous l'avez pris en deuxième langue, c'est la si première année. Si tu joues à Fortnite. Mais tout le monde fait anglais, hein. Non. Ouais, ah bah, en quatrième, c'est sûr. Ouais. Quatrième, c'est sûr que tout le monde. Il y en a qui fait commencent anglais. À l'école primaire, c'est pour ça. Ouais. Moi, je garde un petit et il est en CE1, il commence déjà l'anglais. Bah, c'est il encore mieux que ça, ma fille. Elle fait Cambridge, c'est-à-dire que c'est un niveau encore au-dessus. Cambridge. Ouais. Et elle va avoir un super diplôme à la fin et tout, niveau supérieur. Tu te l'as raconté maintenant avec ta fille? Ouais, mais moi, je suis nulle, donc j'ai honte. Ça veut dire qu'elle peut lire des films en anglais? Cambridge. Elle peut écouter des films en anglais du coup. Bah, elle le fait déjà. Cambridge, on est le nom d'une université en Amérique. Elle arrive à comprendre tout. Bah encore. Ah, j'aimerais trop moi savoir parler anglais. Et non, mais semblant, tu vois. Un jour j'y arriverai. Un jour on verra. Ouais, on verra. Et cette classe jour, alors est-ce que tu crois qu'elle va être bien ou pas? Bah ça je sais pas, mais on va bien aller tout de suite. Direction le collège Caduc pour le prof d'anglais. Hi, fucking pied table. Hello tout le monde. Moi c'est Mr. Jack Fry, votre prof d'English. Comment allez-vous? Hello mister. Salut. Yeah, monsieur. Hey. Hey monsieur. Hi. Yeah. Hi. On dit pas food table? No. This is a bad English ici. On va begin par l'appel. Alors c'est pour voir si Always is here. Ok. Roberto Carlos. C'est qui? Red. Ah, c'est moi. Yeah. Alexandre. Alexandra, ah, il est malade. Absent. Ok, Rachel la voisine. I'm here. Ok, Mélanie Leffet. I'm here. Xena Morey. I'm here. Yeah, Autonomy. Here. Emma Tom. Ah non, elle n'est pas là. Oui, elle est morte. She died. Ah, she's dead. Oh. And Tomatonio. Present. Yeah, toi tu me donnes faim. Angry. Allez, trêve de joke and pleasantry. Vous allez prendre votre book, page 5. On va faire la listen 1, le préterit. Oh, oh bah non. Super. Ouais. Et vous remarquerez que si t'es rite, t'as pas besoin de prêt. Blague de banquier. Ok, anyway. Why on emploie le préterit à votre avis? C'est pour parler au passé, au présent ou au futur? Vous marquez ça sur la doise. Le passé, le présent ou le futur pour le préterit? Je sais pas. Alors, on a le. On a marqué quoi, lui? Le passé. Le passé. Le présent. Passé. C'était le passé, effectivement. C'est ce que j'ai dit, madame. Monsieur. Alors, qui a marqué la bonne réponse? Me. I'm vrai. Merci. I'm vrai, c'est vachement anglais. Yes, non, moi j'ai fait faux, monsieur. Ok. Oh. très honnête. Take the oui. bonne réponse, là. The good answer. Ok. Merci, oui, monsieur, de m'avoir donné. J'adore votre accent, monsieur. Je sais. J'adore me foutre de ton gueule. Évidemment, on va utiliser le preterit quand on veut speaker au passé qui n'est plus present. Ok. Genre, last week, c'est plus cette semaine puisque c'est last week, ok. C'est un jeu vidéo, la Switch. Non, last week. Last week. Ok. Donc, le preterite, hein, c'est simple. C'est aussi pour ça qu'on peut l'appeler le passé simple. À ne pas confondre avec un autre type de passé qu'on peut aussi employer en anglais. Si vous connaissez son nom, vous me le marquez. Passé composé. Vous pouvez répéter la question? Un autre type de passé qu'on peut employer en anglais en dehors du preterite. Calme Max sur la doise. Ok, si vous avez la bonne réponse à la maison, mais le passé composé, non, du tout. Je sais pas. C'est le passé composé. Vous avez tous marqué le passé. Qu'est-ce qu'il a marqué? Le speaker, je sais pas. Le speaker, non. J'ai mis passé simple. L'imparfait. Passé simple. C'est comme toi, mais c'est pas parfait. Le passé. Antérieur. Mais personne n'a la bonne réponse, c'était le present perfect. Un passé qui s'appelle present, c'est funny ça. Lol, lol, lol. Fucking good. Bon, le preterite, grosso modo, you take un verbe et vous ajoutez ED à la fin, d'accord? Ouais. Et si vous ajoutez encore Sheeran, ça fait un artiste, mais ça n'a rien à voir. Example, I walk, je marche. Au preterite, à votre avis, ça donne? A walked. Mais il faut pas l'écrire. Exactement, un bon point. Il fallait le dire. Mais oui, il faut le dire. Thank you. For an example. Mais on peut pas savoir s'il faut l'écrire ou pas. J'ai demandé comme ça, I talk, je parle, le preterite, ça donne Talked. Talked, effectivement, ça fait une bonne réponse pour la petite dame. Talked. On l'a dit en même temps. Talked. C'était après quand même. Vous allez pouvoir faire celui-là. I think. For getting the way. Pardon? Singing in the way. Qu'est-ce qu'il raconte? Singing. Faute. Eh ben non, ça. I sang. Ça n'est pas un singing, ça c'est à force. I thought. On peut le répéter tous ensemble, ça, I thought? I thought. C'est comme en cuisine, I thought. Le truc qui est funny là-dedans, c'est que ça, il y a very beaucoup de verbes irréguliers. Irréguliers qui ne sont pas comme IED à la fin, ouais. D'accord? C'est comme I thought. Ouais. On va en étudier 5 aujourd'hui, 5 in class, and you learn les 165 autres chez vous, ok? Ok. Allez, let's go. To bet. To bet, à votre avis, ça veut dire quoi? Vous notez sur l'ardoise, to bet. Ah, faut dire ce que ça veut dire. Parce yes. que sinon, j'ai les deux autres verbes. On vous a rien demandé. J'ai le premier mot, monsieur. Ce que ça veut dire. Tu... Bet. You bet. Bet. On peut avoir l'orthographe, s'il vous plaît, monsieur? B-E-T. Ben oui. To bet, c'est un des trois... Yes. J'ai appris ça. J'ai permis. Je sais pas. Personne n'a une réponse, ça veut dire parier. Ah. Oh, mais fuck. Qui c'est ça? Eh oui, je sais. Monsieur, vous avez choisi des compliqués. Hein. À l'infinitif, on dit to bet. Au preterite, on dit bet. Et au participation, on dit bet. Ça va, c'est pas trop compliqué, Tid? Tout va. On dit bet. Tous des vicieux, les profs, cette année. Tous. Allez, on continue. Chat, qui se dit chat aussi au preterite. Et Zosem au participe passé. Chat. Shit. C'est pas un gros mot, monsieur? Non, ça c'est non, chat. Non, mais vous allez mince, dire ce que pardon. Ça veut dire. Vous allez l'écrire. Ça s'écrit comment, chat. Monsieur? S-H-U-T. Chut. Merde. Monsieur, what a motherfucking shit. Monsieur. Alors, on a fumé. Non, fermé. Fermé. On a fermé deux bonnes réponses. C'est venu d'un coup. It's a good answer. C'était fermé. Mais oui, c'était ah oui, fermé. Shut up. Mais oui, shut up. And let me go. Shut your mouth. Yes, c'est shut comme la dame au CDI. Shut. Ah oui. Pas de bruit. Ah ouais. Eh ouais. Alors, il y en a qui ont pas une Dustin Mavan, mais c'est pas grave. Bah tenez, mécomprendre, misunderstand. À l'infinitif, à votre avis, qu'est-ce qu'il devient au preterite et au participe passé, celui-là? Je vous laisse écrire. Misunderstood. On vous a demandé d'écrire. You're right. In your ardoise. I know. Mais moi, on voit rien. Understood. Elle l'a dit à l'oral, mais j'écrivais avant. Misunderstood. Alors... Vous avez écrit Miss Understood, vous déjà? O-U-D, pas du tout. Miss Understood, c'est bien, bravo. Ah, mais ma voisine, elle est plus douée en anglais qu'en cuisine. Monsieur, j'avais mis deux O. Hein. Pas du tout. Merci. Si. Et il manque toujours un T. Mais non, monsieur, il est là, le T. Un T. A good point. Un point. Par contre, et c'est, monsieur, j'étais prêt, j'avais juste oublié un T. Il fallait écrire correctly. I like the piège. Bon, là, je vous aide. Do au préterit, ça se dit did. Ok? Yeah. Okay. Alors, vous allez marquer comment je dirais si je vous demandais si vous avez aimé ce cours. La phrase, avez-vous aimé ce cours? Comment on pourrait le marquer? Alors, vous avez marqué quoi? Do you like this lesson? Do you like? Ah, monsieur, j'ai répondu à la question, j'ai pas écrit j'ai la question. J'ai dit qu'il fallait dire did. Je l'ai dit à avant. Pourquoi vous avez marqué tout? Vous êtes bête, beaten. Ok. On a did you like this lesson? Did you like this lesson? I don't like. Alors. Ok. Vous avez marqué quoi? What did love the lesson? I did. This lesson. Love this lesson. Ah, vous marquez 2 points et oh vous yes. marquez 1 point. Ah, fallait répondre à la question. Non, fallait donner la réponse, mais la question, mais en même temps, il m'a caressé Monsieur, dans le sens du poil. On a des gens sur le chat, ils sont forts, ils arrivent à répondre à vos questions. Avant même qu'on y réponde. The good chat. Bravo. Good chat, quoi. Ils ont de la chance, quoi. Ah ouais. Alors, je vais pas vous demander parce que vous êtes en 4e et c'est un agent grad, donc I'm sure qu'en sortant de cette classe, vous allez dire écrivez. Vous allez dire quoi en sortant du cours? Vous en allez... sortant du cours? Yes! En partant du cours, monsieur? Yes, par rapport à la question d'avant, vous allez marquer quoi? Vous avez aimé ce cours? Vous n'avez pas aimé ce cours? Ah, faut marquer si on a aimé? Bien sûr, Inzi Sardoise. Ok. Alors, yes, I did. Ok. Qu'est-ce que vous avez remarqué, vous? Il n'y a pas de microphone pour le monsieur? Yes, I like. I like. I like. Yes. I like it. I like this. I liked. Goodbye. I like. Ah oui. Yes. Monsieur, vous n'avez pas lu jusqu'à la fin. Non, I love you. Je tente un truc. I love you. Bye. Okay. Monsieur, vous n'avez pas lu ma yes, fin, like la fin de phrase. Goodbye. Yes, I like. Ça veut rien dire. Mais c'est-à-dire qu'en sortant, vous allez dire, vous allez sortir de la classe et vous allez dire yes, I like. Ouais, non, I like this. Mais non. J'aime ça. Vous allez marquer, vous allez dire I did not like this lesson ou I didn't like this lesson. Wow. Bah non. Bah si on a aimé. Bah, moi j'aime bien l'anglais. Ou I like, yes, I like this lesson. I like this lesson. Ah yes, good point. Moi je vais juste vous dire goodbye. Hein. Good point. Moi aussi j'avais marqué goodbye. Ok. Good point pour moi aussi. Non, yes I did. Vous n'allez pas sortir de la classe en disant yes I did. Ça ne veut rien dire comme ça. Hein. Ok. Allez, go out on la prochaine fois. Hein. We call and we have a bouffe. Hein, comme on dit en français. Et, see you. Ça veut dire see you later. See you next week. Ça va un point. Tchouche. See you later. Touche. Allez, un point supplémentaire. Voilà, ça donne. Thank you. Allez, goodbye. Bye bye. Butter. Tu prends quoi, Thomas, à la cantine? Moi, je vais prendre le poisson et purée. Oh, bah merde! T'as fait tomber ton plateau? Oh, merde. C'est la chute, comme la musique qui arrive. As Ick Fall de Jack. See the red light flashing, I can see the one inside, but the times they aren't changing around here. Building walls and closing bridges, saying all they want is peace. Sure I'm young, but I can read through the lines. We don't need your sympathy, just a little empathy. I might go a little crazy, but why can't you see? We're standing here and watching as it falls. When growing up we used to have it all. We can't waste another day looking at the other way. We're standing here and watching as it falls. I'm tired of apologizing every time I care too much. I've been taught to keep my mouth shut, don't make a scene. I'm done with being nice and quiet, 'cause I know that will make good change. Yeah, I'm old enough to read through the light. We don't need your sympathy, just a little empathy. I might go a little crazy, but why can't you see? We're standing here and watching as it falls. When growing up we used to have it all. We can't waste another day looking at the other way. We're standing here and watching as it falls. We don't need your sympathy. Comment t'es trop bien tombé sur Indestar. Dylan dans ton flux internet pour te présenter la classe. Et ils sont trop chauds. C'est vrai qu'on est on est chaud quoi. Ouais. On est chaud patate ce soir. Ouais, l'anglais soir. Vite fait hein, quand même hein. Ah bah c'est prof c'était d'anglais. Difficile hein. Ouais, c'était dur. Compliqué. J'ai l'impression que la quatrième là. Ah bah c'est un niveau au-dessus de la cinquième. Hein. Moi j'en souviens plus. Hein, c'est en dessous de la troisième. Exactement. Wow. Vous pouvez réécouter les podcasts de la dernière fois si vous voulez, comme ça vous aurez le cours de cinquième et là le cours de quatrième. D'ailleurs si vous avez raté le début de cette émission, ça sera également possible. Alors pour l'instant on a des moyennes qui sont pas ouf. Ça s'envole, ça vole pas. Si pour toi Teddy. 14,5 en anglais. Ah pas mal. Allez vous faire. Pas mal. C'est toi qui as la meilleure moyenne en anglais. Ouais. Mais après, il y a eu des 11. Oui, mais si c'est lui qui compte les points, il a dû s'en rajouter, je pense. Et la plus basse moyenne, des 3 de moyenne. Ah, c'est nul. Ah mon dieu. Franchement, est-ce que Linda a 3 ? Oui. Linda a la 6. Ah, la 6. Ah, bah, ça doit être. Angie toi là. Mais non, quoi, la... c'est peut-être c'est Xena. C'est Xena, ouais. Je crois. Xena et Thomas. Xena, mon avis, qui est au plus bas. Ouais. Sinon, à nos élèves de 4ème, sont pas. C'est 11 quand même. Je vais me faire dézinguer au conseil de classe. Ouais, c'est possible. Non, ça veut rien dire. Tu peux. Non, si. Xena, t'es mal barré. Mais Xena. Xena, en plus, je crois que là, tu es, t'as une attelle, donc tu ne peux pas aller en cours de physique chimie, non, malheureusement. Non, je me suis cassé le bras. Qui est au troisième étage de l'établissement, le collège Caduc, ce soir. Donc, tu vas devoir rester à la cafétéria, j'ai malheureusement. J'ai fait de l'aquaponie et je me suis cassé le bras. Ah, c'est dommage. Donc là, on va en cours de physique chimie. Est-ce que vous étiez doué en physique chimie? Oula, vague souvenir. Hein. Je suis une bête. Moi, très peu, ouais. très peu. Hein, bah, vraiment. Plutôt au lycée. Ah, j'étais trop fière au lycée pour mon d'accord. Bac blanc. Et ben, on va y aller. Hein. Au lycée pour mon bac blanc, j'ai eu 19,5. Ouais, et ils l'ont donné. Je sais pas, j'en ai pas fait. Écoutez, ça sonne. Ah oui. Entrez les enfants. Bonjour madame. Vous êtes en beauté de dame. Merci. Tu n'auras jamais de points avec ça, hein, tu sais. Vous avez des beaux yeux, madame. Madame, merci. Moi, Alex, il dit toujours que les profs sont jolis à tout le monde. Les profs. Non, c'est que à moi. Tous. Bah oui, c'est que à elle. Non, tu l'as dit à la professeure d'allemand. C'est pas vrai, même tu peux pas le prouver. Ouais, en gros, c'est un lèche-cul. Il a même léché le cul de monsieur Brouillé. Il a voulu faire une expérience. Et il a dit qu'il y avait que propre. Il a eu raison, il faut faire des expériences dans la vie. Ah bah oui. Bon alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai demandé de faire un exercice à la maison la semaine dernière. C'était notre premier cours. J'ai oublié. Moi je l'ai fait, madame. C'est très bien. Bah. Ah la lèche. Ouais. Moi c'est pas ma faute parce qu'en fait, je crois que c'était pas marqué sur le madame. C'est ton grand-père. Oh, non, l'agenda en ligne. Mon cahier, donc j'ai la moitié seulement. Le truc. C'est pas grave. On va le refaire en cours et pour ceux qui donneront la bonne réponse, je donnerai des points. D'accord. Il sera noté donc. Moi j'attends. Vous notez sur vos ardoises. D'accord. Ah oui. Je vous rappelle que l'exercice parlait de tableau périodique. Oula. C'est de la chimie, madame. Ça va être bon, ça. Qu'est-ce que c'est ? Physique, chimie. Le tableau périodique, c'est le tableau des éléments. Ah oui. C'est ça. E égale M6 ? Non. C'est bien, Roberto. H égale hélium. Eh ben, on n'est pas arrivé. Vous êtes dans la merde. H, E. Je vous avais demandé... Elle est plus forte que moi. Je vous avais demandé de me donner le nom de l'élément chimique associé à Na. Vous l'écrivez. Na. Comment je vous fume. Pardon. C'est con, j'ai No, mais pas Na. Moi, j'en Comment ai... Rachel, elle a copié sur moi. Moi, j'en ai qu'un sur les deux. Hein. Rachel a copié sur moi, madame. T'avais qu'à pas lever ta feuille. Il y a totalement tout le Alexandre, monde qui a c'est faux. Quoi que t'as non, mis c'est ça. Alex, c'est la nul. Nature actuelle. Mais non. Si. Non, tout le monde a faux. Non, ah, c'est ça. Non plus. C'est ça. Il y a le cuivre, la calcium. Na. Oui, et c'est cuivre. Pas du tout. Si. Non. C'est Cu sur le cuivre. Je vous ai dit que c'est non. C'est cuivre, madame. C'était quoi, madame? C'est sodium, personne. Ah, oh, zut oui. Et pourquoi le sodium c'est avec un N et un A alors que dans le sodium il y a ni un N ni un c'est A. C'est vrai ça. C'est une question piège. C'est pas logique. Ouais mais elle répond pas là madame. Question plus facile. Parce que je vois que là ça a pas beaucoup révisé. D'accord. Ok. Donnez-moi le nom d'élément chimique associé à O. Ah. Ah O oh, bah O. Oh. Moi j'ai plus rien. Oh putain. Madame Alexis copie. Madame. Oui, c'est un bon point, Mélanie, c'est bien oxygène. Bah, bon point, Roberto. Automne bien. Je ne fonctionne pas, mais j'ai vraiment mis oxygène. Hein. Oui. Moi, je sais pas où ça s'écrit. Tout le monde a de bons points. Tout le monde a de bons points. Non, mais par contre, tout le monde a des bons points. J'ai marqué oxygène. Tant de la chance. Bah oui, c'est l'oxygène. Oui, mais j'ai marqué oxygène. Madame, vous donnez des bons points. Oui. Mais j'en ai pas eu. Toi, t'as un bon point, bah il faut le chercher. Thomas aussi. Alex, faites. Je ne peux pas me lever, je suis handicapé. J'ai pas eu mon point, moi. Bon. Si, regarde, on peut voir. On attention, peut... question piège. Attends. Quel est le nom d'élément chimique associé à I? Imhotep. Ah non, c'est pas ça. Je pense que c'est un truc qui porte pas internet. Un internet. Non. Ah. Ouais. Je sais pas si ça existe. J'ai marqué l'azote moi parce que je suis sûr que ça a rien à voir avec lui. C'est presque ça, mais c'est pas ça. Mais ouais, mais j'arrive pas à trouver le mot. Moi ou elle? Y a pas I-U-N à la fin. Et t'as marqué odium. Ouais, C'est une bonne réponse, Autumn. La iode. C'est ça ah. Iode. Est-ce que vous me comptez le point? Je l'ai marqué avant. Mais c'est pas un élément celui-là. Ouais. Iode. Pourquoi tu remets en question tout ce qu'a dit la prof, toi? Parce que... T'es vraiment chiant, hein. Oui, c'est vrai. Il cherche. Tu regarderas sur internet à la maison. Non, je parle à... Richard. Alors attention, ma copine. Les questions changées. Donnez le symbole chimique de l'élément carbone. Cette fois, je vous demande le symbole. Ah, le symbole, c'est-à-dire... Moi, j'ai fait un truc, mais c'est pas dans ce cours. Alors, elle a marqué C. Elle a alors, marqué... Je demande une lettre. Mais c'est un symbole. C'est un symbole. Alors, vous avez... C'est quoi, ça? J'ai fait un C arrobase, madame. C'est mais pas c'est ça parce que c'est un carbone connecté. Moi, c'est effectivement, c'est non, c'est pas CA, c'est juste C. Qui a la bonne réponse? Moi. Et c'était pas vraiment un symbole, hein, c'est une ouais, lettre. Ouais, c'est une lettre. Oh. Thomas. Elle l'a dit après. Symbole, moi une lettre. Lancez-moi, oui. Lancez-moi. Non, toi tu as. Non, lancez-le. Non, Thomas, il a eu j'ai faux. J'ai mis C. Oui, il a mis ah, C. Ah oui. Oui, madame, il a mis C. Thomas? Non, moi c'est Roberto. Roberto, j'ai l'impression que vous trichez un peu, non? Non, j'efface des lettres. Je triche totalement. C'est bien ce que je me dis. Donc il triche. Donnez-moi le symbole chimique de l'élément phosphore. C'est pas très compliqué, hein, mes questions. Le... Phosphore. C'est comme Philippe phosphore. Henry. Phosphore. Ah oui. PH. Alors moi j'avais mis un F. Vous avez... Phosphore. Vous avez tous faux. C'est pas moi, c'est aussi nul que moi. C'est pas ça PH. Non. C'était F. quoi? Non. Dommage. Fausse. C'était un P, tout simple. J'ai pas une lettre, mais j'ai rajouté. Pourquoi on cherche ça quand c'est compliqué? C'est ça. Ah non, c'est l'inverse. Vous savez quand même que c'était un exercice que vous pouviez aller regarder sur votre tableau à la maison. Hein. Si je peux me permettre, automne, t'aurais eu mauvais. Parce que la première lettre c'est majuscule, la deuxième c'est minuscule. Mais on s'en bat les couilles. J'aime bien parce qu'elle a fait. Bah, c'est pour ça que de toute façon t'aurais eu mauvais. De toute façon, et c'était un exercice, vous étiez censé le faire à la maison avant. Oui, madame, mais sur le NT, il t'est pas marqué. Alors, ouais, j'en doute. Donnez-moi le symbole chimique de l'élément hydrogène. Ah. Alors là, si vous n'y arrivez pas, franchement, vous êtes des noobs. Non. Mais non. H. Mais oui, tout le monde a... Quoi? Non, pas du tout. Ah, tout le monde a bon, sauf Mélanie. T'as pas vu le 2, il n'y avait pas de 2. Et non. Elle l'a enlevé. C'était un H comme la série. Y a rien de plus simple. Ou hôpital. Oh, mon Dieu. Roberto. Oui. Roberto Carlos. Lancez-moi un point. Tu veux un point? Pas dans la gueule. Ah mince. Attention, septième question. Ah oui, c'est comme les autres. Donnez le symbole chimique de l'élément argent. La thune, quoi. Oui. La moula, madame. C'est vraiment un truc de dingue. AG comme Assemblée Générale, madame. Non, Rachel. Non, Roberto. Bah non, du coup. Non. C'était AG. Oui, Thomas. C'était quoi? C'est AG. C'est AG. AG, madame. Merci, madame. Hop là. Alors, ça fait une bonne réponse pour moi. Encore. Je vois que vous n'avez pas révisé beaucoup pas si votre cours ça, et que vous n'avez pas fait votre exercice à la maison. J'aime pas cette matière. Non, parce que c'était pas sur le NT. Bah, je l'ai fait, moi, mais j'essaie de pas utiliser la feuille comme un contrôle. Sauf que j'ai faux, du coup. Bon, je vais être gentille pour pas plomber votre moyenne. Je vais vous donner des questions bonus. Oh, ah. Super, madame. Vous êtes gentille, madame, quand Est-ce même. Est-ce qu'on peut l'écrire sur l'arbre ou on lave la ou on dit directement? Le premier qui trouve. D'accord. Elle est plus gentille que toi quand tu penses qu'elle est gentille. Ouais. Écoute. Donnez-moi le symbole du titane. T-I. Oui, c'est Auton qui a raison. T-I. Non, c'est T-I, pas Auton. J'ai dit T-I. C'est T-I. Attention. Le nom associé à H-G. Hydrocarbure. Non. Hydrogène. Non. Attention, c'est pas, c'est une question piège. Hydrogramme. Ça ne commence pas par un H ni un G. Il y a pas de, d'ailleurs, il y a ni de H ni de G. Bah, comment ça peut être facile alors? Alcalide. Calcium. Non. Sodium. Non. Je connais pas tout. Non. Non, ça commence pas par un H. Je les connais même pas les éléments. Ça commence par un M. Magnésium. Non. Non, c'est pas magnésium. Magnésium, c'est Mg. On l'a dit en même temps. Me. Mercure. Oui, c'est ça. Merci. C'est bien, Mélanie, vous avez bien fait votre exercice. Merci, madame. Bon, pas trop, mais... Il n'y a plus de points à donner? Non, il n'y a plus de points à donner, c'était la correction de l'exercice. Oh, bah, je sais. Merci, madame. Merci, madame. Dame, on a des devoirs. Vous pouvez y aller et pas de devoir. Oh, Emma! Ouais? Qu'est-ce que tu veux, Rachel? Mais je kiffe trop ton nouveau slim! T'as vu? Mais c'est quoi, ces couleurs navy? Ouais! Mais il te va trop bien, j'adore! Mais t'imagines même pas, je suis allée ce week-end faire les boutiques dans un parc connu. J'adore, il y avait plein de couleurs. Pourtant, d'habitude, je mets pas autant de couleurs, mais là, ça change la vie. Tu sais que ça me rappelle un petit peu la chanson de Courage to Change? Ah ouais. Tu sais, celle avec couleur musique. Oh. Tu te bien? Ouais, trop bien. Indestar. Le direct. Indestar.fr. Les podcasts. Indestar.fr. Retrouver un titre passé sur l'antenne. Indestar.fr. Les infos sur les émissions. Indestar.fr. Les vidéos. Indestar.fr. Les infos artistes. Indestar.fr. Le café du matin. Indestar.fr. Une voiture diesel. Indestar.fr. Des lasagnes au poulet. Indestar.fr. Waouh, il y a beaucoup de choses sur Indestar.fr. Mais je ne suis quand même pas certaine pour les trois derniers. Films, séries, jeux vidéo, manga, musique, c'est Peak Avengers sur Indestar. Toute la pop culture, des infos et des délires à vivre chaque jeudi dès 21h en direct sur Indestar. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé et avoir la carrière de balavoine. Je chante dans ma chambre, j'enregistre, je fais écouter aux copains, ils aiment bien, mais j'aimerais aller plus loin. Tu sais que c'est possible? Ah? Et comment ça? En envoyant tes prods à indestar@live.fr ou en MP sur Facebook. On écoute, on te répond et on peut t'annoncer ton premier passage radio sur Indestar. Là où tout commence, même pour toi. Indestar, là où tout commence. Indestar, redécouvrez la musique. World, I want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose. Awards and news on TV. Abandon myself daily. I am afraid to let you see the real me. When it falls, when it falls, pour it on me in the rain. Dylan en live dans la classe sur Indestar. On fait des heures sup ce soir. On termine à 21h. Eh ouais. À la radio, il y a un poussin. À la radio, il y a un poussin. Et le poussin biou, et le poussin biou, et le poussin biou, et le poussin biou, et le poussin biou, et le poussin biou. Tout le monde la connaît celle-là en fait. Bienvenue dans la classe sur Indestar. Qui connaît pas ça? Pas tous les mercredis soirs, mais un mercredi soir par mois. Et vous pouvez évidemment vous le faire tous les mercredis soirs si vous en avez envie, puisqu'il y a la rediff qui est disponible en podcast. Alors ce soir, nous sommes au collège Caduc. Nous avons des cours qui s'enchaînent et le but étant d'avoir la meilleure moyenne à la fin du trimestre diplôme. Pour avoir son diplôme. Il y a un vrai diplôme qui est distribué aux meilleurs d'entre nous. J'ai gagné. Pas encore, c'est pas sûr. Hein. Par contre, le plus mauvais sera aussi récompensé par ses non-efforts en étant détruit tout simplement par le conseil de classe et par les profs présents lors du conseil de classe. Avant cela, il nous reste encore quelques matières, notamment l'activité physique et sportive, le sport. Le PS. C'est là que je vais me rattraper parce que sinon je vais me faire détinguer. C'est pas faux. Le sport, nous avons. Comment il s'appelle le monsieur là Monsieur Goliath. Oh, rien que le nom déjà. C'est vrai que déjà ça fait un petit peu peur. Est-ce que nos élèves de 4ème sont prêts à repartir au collège pour un nouveau cours? Oui. Je pense que la récré est finie. Oui, donc, quand il faut y aller, il faut y aller. Allez, bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur Goliath. Ah, vous êtes beau, monsieur. Hein. Allez, tout le monde se change. C'est le moment. On n'a pas le temps à perdre. Là. Et il faut arrêter de cacher vos muscles. Hein, parce qu'on les voit pas. Hein. Bon. Monsieur Goliath. Oui. Est-ce que vous connaissez David? Oui, c'est mon prénom en plus. David et Goliath. David. Vos parents. Allez, changez-vous là, on n'a pas le temps là. Ça y est, monsieur, regardez, j'ai mis un short rouge, monsieur. Oui, c'est bien, allez, va de l'autre côté. Et t'as pas mis tes baskets Il est moche, son chat. Allez, on va faire d'abord un petit échauffement pour s'échauffer un peu. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? On s'échauffe un peu le cou, donc on tourne la tête. Ouais. Ah, mon cou, il est échauffé, monsieur. Un peu plus quand même. Hein. Et moi, c'est bon, monsieur? Oui, c'est bien. Voilà, on s'échauffe les poignets. Et pourquoi il saute-t-il, lui? Il a des verres. Il a des verres au cul, celui-là, ou quoi? C'est pour venir m'entraîner, c'est pour s'échauffer le bassin. Bah, on échauffe un peu les bassins. Donc, on tourne les bassins. Oui, c'est ça, ouais. Il fait un AVC, monsieur, je crois, Alex. Non, ah non, il a en train de sautiller. C'est normal, on est dans le cours de sport. Je crois qu'il a des verres au cul plutôt. Et maintenant, on tourne les bras, comme ça. Fais les arrondir avec le bras. D'autres bras. Ils se croient à la natation ou quoi? Bah ouais, ils font des brasses, c'est bizarre, hein. Ouais. Et... Ah, il est... Maintenant, on fait monter le genou sur place. Il est caduque là, comme le collège, lui, hein. Je crois qu'il a mangé un singe. Il est passé. Ah, c'est là qu'ils vont perdre leur cœur. C'est cardio, là, hein. Arrête, voilà. vous allez le faire claquer, non, monsieur. Non, je vous assiste torturé, on vous aime faire 10 pompes chacun. Mais pour les filles, c'est sur les genoux. Hors de question. 3, 4, il est déjà tout rouge. 5, 6, oh là là là là là là. Tomato ketchup. 7, 8, pourquoi il fait comme ça, Alex? Parce que c'est dur pour lui. Ah bah ça y est, il est par terre. La dixième, je la valide pas. On l'a perdu. Non, trop tard, c'est pas validé. Et maintenant, vous allez me faire 10 squats chacun. Donc, les squats, il est tout rouge. Bah ouais. Ah, et Rachel, c'est comment? C'est mieux ça ou bof? Rachel, c'est mieux, je pense. Hein. Elle ouais. Se défend mieux. Hein. Là, les filles, c'est toujours mieux. Hein. On devient commentateur sportif. Non, c'était pas le programme, c'est le programme des troisièmes, ça. Et Alex, descend plus bas, là. Alex. Voilà. Les deux personnes suivantes. C'est toi? Oui, c'est tout. Oui. Il est en nage. Bonjour. Bonjour. Bon, allez, on se réchauffe. Donc, on tourne la tête. Ils ont le droit de faire des abdos, eux, je... Ah non. Un échauffement des poignets maintenant. Elles sont plus fortes, les filles, moi je dis. Oui, c'est comme ça. Je sais pas, elles s'échauffent un poignet par un. Elles sont plus intelligentes. Elles se ménagent. Maintenant, les hanches. Ah, c'est pas quoi ça, c'est quoi ça? Oui, il manque le cerceau là. Ouais, il manque plus que ça. Ah, mais j'ai pas le cerceau sur moi. Ah, maintenant les bras. Ouais, comme ça. Non, mais on fait pas ozone, hein. C'est comme la nage. Bras. J'adore le remake d'ozone. Ton bras, il a pris du plomb dans l'aile. Et maintenant le monté de genoux. En courant. Ça se voit, mais si, rappelle-toi. Monsieur, au collège, on s'est inscrit. Oh là. Vous avez pas fait l'exercice aux autres, c'est pas les mêmes exercices. Vous allez me faire 10 pompes. C'est gentil, c'est sur les genoux pour les femmes. Pour les filles. Pour les... Ah, comme vous voulez. Bah, fais des pompes avec ses genoux. Ouais. Elle a fait un serpent de mer. J'ai jamais vu pour des pompes de je vais quand même mettre un demi-point pour l'effort. C'est pas fini. Attends, c'est pas fini. Il manque les squats. C'est vrai qu'elle a fait les 10 pompes. Moi j'écoute 10 quand même. Les squats, c'est quoi ça? Stop. Un petit peu plus bas, Micheline. Xena. Il est où le côté guerrier là? 10. Oh, c'est 10 là. Là, c'est 10, c'est 10. C'est bon, monsieur? Vous pouvez le coup. Ouais, dedans. Souvent, j'écoute rien. Il y a encore des élèves, monsieur? Oui, il en reste deux. Allez, allez-y. Hein. On donne. Elle a l'air à monter. Et sans mentir, je me suis vraiment tordu la cheville. Hein. Xena, tu te plains pas? Ah ouais, arrête de râler. Moi j'ai fait des pompes des genoux, s'il te plaît. Non, on échauffe la tête, la nuque. Toi, tu sais même pas faire les pompes des genoux. J'étais allongée, j'ai fait. Non, c'est trop dur. Faut faire les genoux, monsieur. Attends, les poignets. Les poignets, on a dit. Les poignets. Allez, les hanches. Alors, automne, t'as tout qui fonctionne. Les bras, les poignets, y'a tout. On dirait un robot un peu. Ouais, on dirait la robot, la danse robotique. Et maintenant, les genoux. Ah, d'abord les bras. Allez, chauffe tout, hein. Les bras. Vous pouvez faire les bras et les genoux ensemble, hein. Là, ce que je veux le monter de genoux. Ça apporte le monter de genoux. Ah bah alors, hein, Roberto Auton, ils se sont tapés. Hein. Bien sûr, bien sûr. Appelez les pompiers. Et maintenant, montez le genou, maintenant. C'est bien parce que dans le gymnase, c'est courir sans place, mais... Il y a même des bonbons. Cours, Roberto, pour les bonbons. Et maintenant, vous connaissez la musique. 10 pompes. Allez, faut pomper le vélo. Ça c'est quand tu pries et c'est pas du tout de ce côté hein, un mec, hein, c'est de l'autre côté. Descends plus Roberto hein. Roberto ça va. Par contre Auton elle a pas compris le principe. Oh j'écoute quand même 3. Bon gentil. Ouais. Maintenant les squats. Allez. 1, 2. C'est chacun son tour de prise. Chacun sa religion comme on lit. Hein. Non, pose caca. Oui, je crois. Vous pouvez s'arrêter, en fait. Oui, vous pouvez arrêter à 10 ans. On peut aller à la douche, monsieur? Oui, c'est bon, vous pouvez prendre ma douche pour le temps. Merci. Allez, vestiaire, tout le monde. Bonjour, monsieur. Attends, je t'explique, gamine, ça se passe pas comme ça. Toi, tu ressors, tu frappes, tu demandes à rentrer et peut-être que je te laisserai rentrer. On se la refait. Non, je suis occupé. Monsieur, bonjour. C'est pas parce que je suis pion qu'on peut me bousculer. Allez, rentre, gamine, qu'est-ce que tu veux? Je suis désolé pour mon retard. Mais tu crois qu'on peut justifier un retard comme ça? Tu penses vraiment que si t'as un entretien, t'as raté ton permis, que tu veux y aller en train, le boss, il prendra en compte le fait que le train est en retard? Tu rêves, gamine? Mais non, c'est pas ça, c'est à cause de la voiture de ma mère. C'est mon tonton qui nous a prêté la sienne et on n'a pas réussi à la démarrer parce qu'on l'avait pas chargée. Et alors? Eh ben, elle est restée sur le parking. C'est une voiture électrique? Mais oui. Chez. Ouais, mais c'est pas drôle parce que du coup, j'ai dû prendre le bus et l'arrêt, il a 10 bornes de la maison. Eh ben, c'est bien, ça t'a fait du sport, au moins tu rattrapes le cours de sport. Ouais, enfin, moi, j'ai surtout loupé le cours d'histoire géo. Bon. Non, tu viens de louper le cours de sport si t'avais regardé ton agenda. Ah, pardon. Eh oui. Bon, allez, ça compte, ça va, parce que c'était un cours de sport et t'as loupé en faisant du sport, ça compense. T'as de la chance, gamine. Allez, repars chez toi. Merci, monsieur, bonne journée. Ouais, c'est ça, bonne journée. Parfois les mots qui comptent sont ceux que l'on dit pas. Les airs que l'on compose, de simples notes qui volent en éclats. Des plaies éphémères qu'on touche du bout des doigts. J'apprends à te parler d'une voix distincte. Laisse-moi le temps de te dire. C'est de marbre, mais mon langage de chien diplomatiquement change. Quelques mots suffisent, quelques personnes savent. Parfois je m'empêche de regarder en face. Laissez-moi le temps, c'est pour ça que ça va être chaud, parce que c'est déjà fini, bordel! Devant le bahut, ils ont mis un panneau où c'est marqué attention, ralentir, école. Ils ont quand même pas cru qu'on allait venir en courant. La classe, c'est un max de délire sur Indestar jusqu'à 21h. C'est vrai que moi, personnellement, j'étais pas pressé d'aller en cours à l'époque. Hein. Pas trop, non, j'avoue. Bienvenue sur Indestar, les amis. J'espère que tout va bien ce mercredi soir, milieu de semaine. C'est la classe ce soir, on est en cours de 4ème. Ce qui est une classe un peu dissipée, en principe les cours, hein. Enfin les profs n'aiment pas trop avoir des classes de 4ème parce que ce sont pas les élèves les plus faciles. Mais est-ce que la classe de ce soir est une bonne classe? Ça, je sais pas, c'est les profs qui répondront au conseil de classe qu'on aura le loisir, auquel on aura le loisir d'assister tout à l'heure, ça sera avant 21h. Avant cela, on a un cours d'informatique. Est-ce que vous avez fait de l'informatique et à quelle époque, Linda, par exemple? Ah, bah moi j'en fais en ce moment, figure-toi. Ah, toi, c'est cours de rattrapage, quoi. Ouais. Non, je me forme, on tu va dire. Tu te reformes. Ouais, c'est ça. Tu t'es déformé. Par envie? Parce que c'est mon futur métier. Ah oui, c'est un cours d'adulte. Voilà. Si elle trouve un travail. C'est ça, exactement. T'es dit, cours d'informatique, tu faisais quoi? Il y avait ce qu'on appelle le B2I. Ah, c'est quoi, c'est une succursale? Non, pas une succursale. Un diplôme? Oui, ça fait partie du brevet en fait. Si t'as pas ton B2I, tu peux pas avoir ton brevet. Fallait que tu valides des compétences en fait en informatique. Que t'as pas eu ton brevet, toi? Ah quoi? Oui, ça me dit quelque mais chose. Mais t'étais même pas obligé de tout valider, mais moi j'ai validé tous les points. D'accord. Ouais, j'étais j'avais pas très pas bon. Ça, moi, je crois. Mais moi, je pouvais prendre des cours d'informatique, mais en seconde. Ah ouais? Ah ouais, ah bah nous. Mais je suis plus vieille. Et c'était machine à écrire avant. Ouais. Mais bon, du coup, ouais, moi, c'était Windows 3.11, c'était pas mieux. Ah ouais, et c'est après que tout a basculé. J'ai lâché. Hein. T'as lâché la fin. C'est une émission télé, ça. Antoine, t'étais comment, toi, en informatique? Est-ce que je te demande vraiment est-ce que je te pose vraiment la question? À l'époque, ouais. Pas terrible. Maintenant, ouais. Ça va un peu mieux. Ah oui, t'es ça va. Tu t'as pas, enfin, ton niveau d'exigence n'est pas très haut. Bon, on va voir si on est bon. À l'heure actuelle, on va partir en cours d'informatique. C'est les 4-1 ce soir qui sont au collège Caduc. Bonjour. Bonjour, allez-y, rentrez, rentrez. Asseyez-vous. Vous êtes belle, madame. Bonjour, madame. Merci, jeune homme. Elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Elle, mais... vous avez des trop beaux yeux, madame. Je ne suis pas juste jeune. Belle, je suis votre professeur, donc un peu de respect. Ah, vous si êtes vous bonne, aime, madame, aussi, je vous aime. Oh, Alexandre. Bah, vous avez dit que vous n'étiez pas que belle. Madame, bon. Moi, je vous aime. Allez, arrêtez, arrêtez. Parce que je suis pas vraiment gentille, d'ailleurs. Vous allez me sortir une feuille double. Hein, madame, si surprise. On a que des feuilles simples, ça marche. Est-ce ou que je peux mettre deux feuilles simples, madame? M'en fous, vous faites ce que vous voulez, mais je veux des feuilles. D'accord. Voilà. Petit ou grand carreau, madame? C'est comme tu veux, mais tu me mets les réponses et il faut que ça soit juste. Millimétré. Alors, nous allons vérifier un petit peu si vous avez pris vos leçons hier soir. Allez, les zéros, à la fin de l'année, vous serez peut-être tous des 1. Ah, enfin, espérons, hein. Oui, alors du coup, en haut, vous marquez madame Binaire, professeur d'informatique, avec la date, votre nom, s'il vous plaît. C'est bon, tout le monde est prêt? Oui, madame. Alors voici la première question. On aura un point si on a si on a bien marqué son prénom. Attention. Non, ça devrait être faisable à la base, hein, c'est les bases justement. Ouais. Hein, faudrait pas déconner non plus. Décoder. Déconner. Alors, l'ordinateur, est-ce que ça vous parle quelque ça vous dit quelque chose? Ça vous parle? Ah oui, madame. Oui, il ordine. Il ordine. Non, pas vraiment. C'est une machine qui permet de réaliser un grand nombre de travaux. Des calculs, madame. Lesquels? Et si vous me donnez le nom? Attendez, si vous me donnez le nom du logiciel, je vous donne un point supplémentaire. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait Word? Oh, il permet d'écrire. Non, il calcule des trucs. Madame, non. C'est une interface. Alors, c'est faux. Madame, sinon il y a Excel aussi qui permet de faire des tableaux et je des calculs. Je valide pour la jeune fille. Moi, j'ai marqué un traitement de texte Word, par exemple. C'est juste aussi un point pour le jeune homme. Moi, j'ai juste marqué texte. Oui, mais moi, je veux l'ensemble. Rien dire un texte. Bon, bah, j'écris. Document texte. Google, c'est un logiciel de navigation. Ouh là là. Un navigateur internet, madame. De navigation. Alors, j'ai parlé de logiciel. Là, vous me parlez d'application, monsieur. Non. Bah c'est pareil, une application, ouais, un logiciel, mais non, mais là, c'est un synonyme. Hein. Vous m'avez parlé de navigateur. Ouais, un navigateur, c'est dans une application, ce n'est pas vraiment un logiciel. Non, c'est pas vrai. Si, un navigateur, c'est un navigateur. Bah oui, c'est un logiciel, une application, c'est pareil. Ok, ouais, je tente autre chose. Le bureau. Non. C'est fait pour bureauter. Oui. Non, non plus. Ça bon, alors, on va donner les points. Je donne 2 points ici, 2 points. Me faites voir, non, vous n'avez rien marqué sur votre feuille. 2 points, ce monsieur, parce qu'il a mis les 2. Toi, t'as mis un truc, jeune fille. Là, Rachel, elle a 1 point. Lui, il a mis quoi? Il a parlé de texte, c'est j'ai ça? J'ai parlé de Word. J'ai alors, t'as 1 point. J'ai parlé de Microsoft. Non. Toi, t'as rien dit, dis donc. Mais moi, j'ai le document texte, mais on m'a pas écouté. Ouais, c'était. C'est pas un logiciel, un document texte. Non, ça marche pas bien. Bah écoute, moi, j'ai sur mon PC, j'ai marqué document texte. Moi, je parlais plutôt de communication, donc par exemple une messagerie ou du dessin avec Paint. Voilà, en gros, c'est ce que je cherchais. Passons à la question 2. Les périphériques. Pour fonctionner... C'est autour de Paris, madame. Non, ce n'est pas la même chose, Alex. HDMI. Alors, non, ce n'est pas ça non plus. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Pour fonctionner une unité centrale, vous avez évidemment... Vous savez évidemment ce que c'est une unité centrale. Hein. Bien sûr, tout c'est monde, la c'est tour, ça. Hein, madame. Ok. Donc, une unité centrale est composée de plusieurs éléments qui sont situés autour de... Oui. Donc, est-ce que vous pouvez m'en citer, par exemple? Est-ce que vous pouvez me l'écran, citer un périphérique l'écran de sortie? Le disque dur, madame? La souris, le clavier, la webcam, tout ça. Alors, c'est des périphériques externes. Il y a des périphériques internes aussi, madame. Les cartes mères, la carte graphique. La sauf l'écran. Que vous n'avez pas écouté la question. Je vous ai d'abord demandé un périphérique de sortie. Oui, qu'est-ce qu'un périphérique de sortie? Un disque dur, madame? L'écran. L'écran, je prends. Je l'ai dit, je l'ai dit. Non, madame, c'est pas l'écran, c'est le moniteur. On peut aussi dire moniteur. Ça marche aussi, mais il avait dit avant vous, monsieur Alex. Le moniteur, il y a l'écran à l'intérieur du moniteur. Et sinon, ça peut être les enceintes, ça peut être la souris, ça peut être le clavier, ça peut être la webcam, ça peut être tout ça. Ouh là là là là, ça va trop vite, là. Alex, il parle trop, madame. Bon, allez, j'accorde 1 point pour Alex aussi. C'est bon aussi. C'est quoi que vous avez marqué, Rachel? Écran d'ordi. Oui, ça marche aussi pour Rachel. Un clavier, c'est une entrée, ce n'est pas une sortie, jeune fille. Un disque dur externe. Madame, le disque dur externe. Vous n'avez pas compris votre leçon. Qu'est-ce qu'un périphérique d'entrée? Qu'est-ce qu'un périphérique de sortie? Une clé USB. Madame, le disque dur externe, ça marche pas? Une clé USB? Non, le disque dur externe, ouais, je ne une sais clé pas USB trop, là. Bah, c'est bien, même. C'est quelque... C'est ça entrée, oui, sortie, hein. Oui, ça fait un peu les deux, pour le coup. Il y a Thomas qui a écrit autre chose. Ah. Une enceinte. Non, dommage, c'est une... C'est des enceintes. Ce n'est pas du tout, c'est un périphérique d'entrée. Bah tu proches les enceintes. Un micro, le périphérique d'entrée, c'est un micro. On va arrêter sur les sorties, on va entrer, justement. Mais tu vas devoir m'en trouver un autre, Thomas, s'il te plaît. Bah le disque dur. Une souris. Le microphone. Quelque chose qui est franc. Un clavier. Le clavier, le microphone. Bah je l'ai qui, madame? Deux claviers. Une souris. Le microphone. Est-ce que Oui, le microphone, ça marche. La caméra, s'il te plaît. La souris. Une enceinte. Une enceinte, c'est une sortie, jeune fille. Une caméra. Bon, on est bon pour cette question, je vous remercie. On va passer à la troisième. Est-ce que les unités de mesure de la mémoire vous parlent? Oh oui. Oula, non. Quelle est l'unité qui mesure la capacité de stockage? Parlez-moi d'unité. C'est bon pour automne. C'est... Non, l'unité de base. Ça, c'est une... c'est pas ça que je recherchais. C'est oui, c'est bon pour Rachel. C'est bon pour Alex. C'est bon... C'est tout. Octet. Gigaoctet, mégaoctet, tétraoctet. Oui, mais je voulais la... C'était l'octet, juste. L'octet. Mais je peux pas écrire. Putain. Madame. Et il se compose donc de 8 informations élémentaires appelées des bits. Attention, et donc... Elle en a 8. Pardon. D'accord. C'est une contraction de binaire digit qui permet... qui prend les valeurs de 0 à 1. Mmh. Ça vous le saviez, le binaire. Vous connaissez Madame Binaire, c'est mon nom quand même. Bah oui, tout de même. 0, 1, 0, celui qui me cite d'autres équivalences en octets gagne un point supplémentaire. Giga? Par exemple, 1 kilooctet, qu'est-ce que ça donne? 1 MO, qu'est-ce que ça donne? 1 giga, qu'est-ce que ça donne? Alors, 1 kilooctet, ça donne 1000 octets. Bien! Oui, parce que je suis bon en conversion. Et à chaque fois, c'est ça pour tous. C'est-à-dire que mégaoctet, c'est 1000 kilooctets. Et gigaoctet, c'est 1000 mégaoctets. Et téraoctets, ça augmente à chaque fois. Il y a des zéros à chaque fois. De 10 000, plus, bah, 10 000. Ça fait 1000 octets, 1 milliard d'octets. Oui, mais moi j'étais par rapport à l'unité d'avant. Par exemple, 1 téraoctet, ça fait 1000 gigaoctets. Ah non, c'est des billions pour 1 téra. Ça fait 1000 gigaoctets. Ça fait des billions de gigaoctets. Alexis, d'octets. Mais d'octets, oui, oui, d'octets, oui, d'octets. On est d'accord. Ça fait 10 000 octets. Ça fait 30 zéros, madame. 10 kilooctets. Mais j'ai pas demandé 10, c'était sur 1 la base. Mais Alex, il donne tout, alors après on sait. Ah, il donne tout, oui. Mais ça fait beaucoup plus, hein. C'est pas bon. Bon, écoutez, vous avez déjà noté les points de mon ami là, qui me soutient. Roberto, tu étais mis au point, tu as noté les points de ses enfants. Oh, bien sûr! T'as noté ça correctement, on va passer à la question suivante. Mais si, tu es mon acolyte aujourd'hui. Le clavier. Pour mettre le clavier en mode majuscule, sur quelle touche faut-il appuyer? Deux réponses possibles. La grande flèche. Ah non, ça a un nom. Oui, Mage, c'est bon pour Rachel. Madame, j'ai mis aussi. C'est bon pour aussi. Moi, j'ai écrit Zena. Mage. Moi, j'ai mis vert Mage ou Mage. Ouais, ça pareil. Marche aussi. Eh ben tout le monde a un point à part. Oui, ça marche même, mais alors Mage avec un J, pas avec un G, hein, Thomas, hein, ça sera mieux. Hein. C'est bon pour vous? Oui, ça, c'est bizarre, c'est un dessin. Oui, d'accord, alors il n'y avait pas Shift, hein, c'était bizarre. Ensuite, la question suivante, les organismes de contrôle. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des organismes de contrôle? La police, madame. Ah non, c'est pas dans le numérique, c'est pas celle-ci. La police du numérique, madame. Quoique. Est-ce que la DOPI. Bien joué, je n'ai même pas posé ma question. Est-ce que c'est tout ce qui est Avast et tout? Du tout. Qu'est-ce que c'est Adopi, monsieur Alex, qui est très... Hein, Adopi, ça n'existe plus vraiment, mais avant, c'était, c'était une loi. C'était un organisme de contrôle pour surveiller quand on faisait du téléchargement illégal. Et mon grand-père avait commencé à faire du téléchargement illégal. D'accord, mais ce n'est pas exactement ce que j'attendais. Qu'est-ce que c'est exactement ce service? C'est pour faire quoi exactement? Ah, c'est pour donner des sanctions, madame. C'est d'abord pour protéger le droit d'auteur. Ouais, enfin, et puis là, il y a surtout pour donner des sanctions. Et puis là, madame, il y a le GIGN qui arrive par la fenêtre. C'est ça? Et il défonce ta porte avec un gros coup de pied. Non, en fait, il t'envoie juste un courrier en disant c'est pas bien. Voilà, elle alerte les personnes pour qu'ils arrêtent de faire ces choses-là interdites. La gendarmerie de l'eau. Et ça peut aller même jusqu'en justice, attention. Non, mais hein. J'ai vu une dame des vidéos. Le GIGN. Du coup, on va donner le point à notre très cher Alex parce qu'il est encore trop fort. Voilà, trop fort. Et alors, pour Internet, qu'est-ce que veut dire l'acronyme URL à votre avis? Alors là, vous faites moins les malins, là, hein, c'est moins drôle déjà. C'est en anglais, madame. Hein. C'est en anglais, oui. Ultra réseau local. Je vous autorise à me le dire en français si vous le souhaitez. URL. Non, alors ça, c'est la copie de l'acronyme. Moi, je veux savoir ce que ça veut dire. ULM. Sorte d'adresse Internet, quoi. Une adresse non, IP? Non, pas exactement. HTTP. Je vais vous le donner en anglais. C'est Uniform Resource Locator. Bah c'est pour sûr. Se situer. C'est une, non, c'est l'adresse. Hein. Uniform Resource c'est Locator. Site web. C'est pour se localiser? Non, non, pas du c'est tout. C'est le site web. Oui, location c'est l'adresse du site web. C'est l'adresse du site web. C'est localisateur informe de ressources. Uniforme de ressources, pardon. Ah, mais madame, si on utilise NordVPN, c'est bon ça? Non, du tout. Celui qui c'est me toujours donne, la même adresse celui internet. Celui qui me donne un exemple exact d'une adresse Et ben je lui donne un point. www.leboncoin.fr. Il manque des slash. http://www.leboncoin.fr. Tu peux même mettre Alexandre https si on veut que ça soit sécurisé. Pour www.indestar.fr. Un point pour Alex évidemment. www.indestar.fr. Il fallait être rapide. Oui mais c'est une bonne idée quand même. J'aime bien. J'aime bien cette page. Ouais j'aime bien. Dernière question, le CNIL, qu'est-ce que donc, qu'est-ce que c'est? Commission nationale informatique et liberté. C'est la CNIL, oui. Commission nationale informatique et liberté. Ouais, c'est ça, hein, madame. Je crois que Noémie, elle l'a dit. J'y étais pas préparée, en fait. Vous avez dit un gros mot, là. Pardon. Ouais. C'est la grosse commission. Alors, mais c'est bien beau de dire ça, mais c'est quoi son intérêt? Qu'est-ce que c'est son service? À quoi ça sert? Ça préserve les données personnelles. Oh. Alors, protéger nos données personnelles. C'est pour éviter d'être RGPD. Est-ce que c'est pour éviter d'être piraté? C'est pas bien de dire. C'est pas bien, madame, les PD, c'est pas bien. Hein. Piraté. Alors, moi, j'ai la description parce que vous ne l'avez pas. Hein. Voilà. C'est à veiller à ce que l'information respecte l'identité humaine, les droits de l'homme, la vie privée et les libertés. Donc, j'ai raison, c'est pour éviter d'être piraté. Ouais, non, c'est pas exactement ça. Hein. Pas j'attendais vraiment. Pas vraiment ça. Ils peuvent pirater ton Facebook, c'est pas grave. Voilà. Bon, ben, je suis en train de voir que vous avez pas appris vos leçons, n'est-ce pas? Un peu quand même. C'est pas quand même, madame, faute. On a essayé. Hein. Ouais, ben, vous réviserez parce que la semaine prochaine, on fait encore une interro surprise. Mais pas surprise, du coup. Les enfants, vous êtes pas sages, hein. Alex, madame, il m'a volé des bons points. Allez, à la prochaine, hein. Oh, Mélanie, tu sais quoi? Ah, non, vas-y, tu sais, dis-moi. Tu connais ma copine Camille? Ouais. Et ben, elle a fait une petite soirée pyjama. Ah. Le week-end dernier. Ouais. Et elle nous a mis une trop bonne musique. Ah ouais, je connais pas, vas-y, dis-moi. Je suis sûre que tu kifferais. Ah ouais? C'est un DJ, il s'appelle Initial Talk. Tu voudrais pas que je te fasse écouter? Vas-y, fais-moi écouter. Attends, vas-y, tiens, je te donne mon MP3. Dis-moi ce que t'en penses, écoute là. Hein. Ah, c'est trop bien. Yeah. mille cours sans sortir de ton lit, t'es pas un élève. T'es une rivière, mec. Dylan en direct de la classe sur Indestar. Bonne vanne. Non, c'est fini, franchement c'est fini. Et c'est déjà bien assez. Bon, je sais que si vous nous rejoignez à ce moment-là, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette bande de tarés? Bah vous avez bien raison, en même temps nous sommes une bande de tarés. Le mercredi soir c'est la classe. Et ce soir nous étions au collège en niveau 4ème. Et là... 4-1. Les 4-1, ouais, exactement. 4ème 1, we represent. Attends, 4-1, j'ai cru que t'avais dit 4-1. 4-1, ouais, c'est je suis pas la ouais, non. 4-1. Et bien les filles, elles sont meilleures que les mecs. Ouais, j'avoue, oh, on vous a. Alors, je ne sais pas, on va voir par rapport aux notes, par rapport au total des points qu'on a obtenus dans les différentes matières. Il y a des profs plus sympas. Je serais toi, je ne. Ouais. Je sais pas, je garderai une certaine modestie. Mais en fait, juste, on veut juste pas être dernière. Quoi. C'est ouais, voilà, c'est ça. Le dernier, c'est pire en fait. Et pourtant, il y aura bien un premier et un dernier. Comme, bah, comme dans la vie en fait. Le dernier du collège caduc. Ou une première et un et dernier. Finalement, est-ce que les derniers seraient pas les premiers dans c'est une ça, autre réalité, comme disait Céline Dion. Et oui, bah, en fait, les derniers sont les premiers. Bah, ah bon, quelle musique c'est de Céline Dion. Les derniers, quoi. Bah, dans les. Les derniers seront les premiers. Dans une réalité. Voilà, un truc comme ça. Céline Dion qui chante ça. Écrit par Jean-Jacques Goldman. Non, je n'ai pas du tout la musique. Je me suis arrêtée à S'il suffisait. Non, c'était avant. C'est là que j'ai collé, mais c'est quoi cette musique de Céline Dion? Je la connais pas. Dans le CD 2. Ça s'appelait. Je connais toutes de Céline Dion, mais cette musique-là, je ne connais pas. Ah bah si. Chante. Tu iras l'écouter. Mais je te l'ai chanté déjà, ah, c'était par bien contre, je connais J'irai où tu iras. Et bah c'est sur le même album. Ah, ah d'accord. C'est la même époque. Non, pays sort à toi. D'accord. Ou qu'importe. alors, là, la place et l'endroit, ça va être le conseil de classe. Et pas les profs sont pas tous sympas en donc vrai. Donc on va retrouver notre proviseur, ouais. Monsieur Boulard, et on va retrouver également les profs qui ont calculé normalement les moyennes des élèves. Oui. Il y aura un diplôme pour le meilleur élève et bah, le dernier va morfler ouais, quoi. Voilà. Clairement c'est ça. Allez c'est parti, direction le conseil de classe. Ouais, je vous en prie, installez-vous. Bonjour monsieur Boulard. Bonsoir monsieur. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous les professeurs présents ce soir. Allô. Alors vous êtes la déléguée, j'imagine. Non. La déléguée de la classe des 4-1. Monsieur, nous allons, c'est la prof d'allemand. Ah vous êtes là. Je suis la prof. Mais vous me confondez, c'est bien, ça veut dire que je fais gêne. Oui, on peut dire ça comme ça. Alors, j'ai obtenu donc les moyennes des différents élèves. Nous allons procéder donc par professeur. Vous voulez commencer, mademoiselle? T'es mort. Oui, moi je suis la professeure de physique chimie, madame Léger. Tout oui. Tout à fait, madame Léger. Bon, bah mes élèves, ils sont bons et moins bons, hein. Bon, parce que ça veut tout et rien dire, ça quelque part. C'était un exercice qui n'était censé pas être noté. J'ai voulu les noter, puis finalement, je me suis aperçue que aucun n'avait fait leur exercice. Enfin, ça commence mal. Ce qui nous donne, en fin de compte, pour Thomas. 7,1. C'est pas terrible. Hein. C'est non, pas terrible. Non, non, non. Ça, madame, si je peux me permettre, ça c'est la moyenne générale. Ah, ah. C'est pire. Wow. C'est pire. Magnifique. Alors, madame, regardez, je vous montre sur ma feuille comment c'est écrit. Parce que c'est moi qui écris, moi je suis le script de. Vous écrivez mal, Roberto, délégué, hein. Roberto. Vous avez écrit en adjoint. Vous avez écrit en portugais ou quoi? Alors, madame, vous voyez, votre cours, il est. Alors faites-nous un délai, faites-nous un résumé si je. Ah si, bah je vais le faire alors. Oui très bien Roberto, faites-nous un résumé. Okay. Elles sont alors, trafiquées les dans notes. Le cours. Oh, c'est trafiqué. Je vois pas de quoi tu parles. Alors il n'y a pas 36 000 délégués alors. Non plus dans ce conseil de classe. On va laisser les professeurs intervenir. On fera venir les élèves après si vous le voulez. Dans bien. Votre cours madame, bah il y a Noémie qui a eu 17 de moyenne. Ça, c'est la mal. Meilleure de la classe. Oui. Et dans les plus nuls, dans les merdes, dans les sommets. Alors je vous en prie, monsieur pardon, Roberto, pardon, restez pardon. Correct. Nous avons Thomas et Mélanie. Ils ont 6. Ils ont effectivement pas bossé leur exercice. Ils sont nuls. Tant pis pour eux, ça baissera leur moyenne. Et après, tous les autres auront 5. Thomas Tognon, c'est ça? Thomas Tognon a 6. Ouais, mais c'est pas facile comme matière hein, quand même. Hein. Pas facile comme nom non plus. C'est vrai. Nous allons passer au cours suivant. C'était. Je sais pas. Alors, je sais pas. Nous c'était le cours de cuisine, il me semble. Cours de cuisine, très bien. Ah, le cours de cuisine. La Thomas a dû cartonner. Oui, alors comment vous dire moi, je suis monsieur Brouillet, hein, le prof de cuisine. Franchement, oh, c'est à jarter tout ça. J'en veux c'est même plus dans ma cuisine. Ce ne sont pas des futurs chefs. Franchement, j'ai qu'un seul élève qui a eu la moyenne et encore, je crois que c'était gentil. Hein. Alors, qui est-il hein? Bah, Mélanie. Mélanie se débrouille très bien en cuisine. Elle a eu 11,5, ce qui n'est pas dégueulasse en cuisine. Oui, Les autres ont eu 9 ou 6. Est-ce qu'on peut pas dire que vous notez un petit peu sévèrement, monsieur Brouillet? Pas de ça avec moi. Ah oui, c'est vrai, vous êtes le proviseur. Mais attention, hein. Non. Non, mais vous avez le droit. Je leur ai fait juste la recette du bœuf bourguignon. D'accord. De base. Classique français. C'est comme les pâtes. Vous les avez surévalués. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, sous-évalués peut-être. Vous auriez dû peut-être faire un plat de pâtes. Hein. Surévalués, je pense. Ouais. Je ne pense pas, mais j'ai tous les cas. J'ai pensé qu'ils étaient trop bons, mais non. J'aime beaucoup le bœuf bourguignon, donc. Ouais, bah, vous n'êtes pas prêts d'en manger, je vous rassure. Hein. C'est à vos risques et périls. Pas avec des quatrièmes, hein, alors. Donc, la moyenne de chaque élève. Alors, oui, il y a eu Thomas qui a eu 9. Alex qui a eu 9, Nomi qui a eu 6, Zena qui a eu 6, Rachel qui a eu 6, et bah comme alors, l'a dit monsieur Brouillet. Alors c'est Automne, je crois. Automne. Oui, c'est Automne, c'est pas Nomi. C'est mon prénom, oui. Et Jarté, monsieur, c'est dégueulasse quand on parle d'élèves. Mais moi c'est Roberto. Oui, alors Roberto, pardon, vous avez dit à la fin. Ah, Mélanie qui a eu 11,5. 11,5 pour la meilleure moyenne, d'accord, ouais. Très bien. Alors nous allons passer au cours suivant, si vous le voulez bien. Oui, vous voulez quoi? Je sais pas, allemand par exemple? L'allemand, allons-y, l'allemand. Bah, c'est pas très joli, je vous avoue. Il y a Thomas et Alex qui se débrouillent moyennement, ils ont 11,5. C'est la meilleure moyenne? Ouais. Effectivement, c'est pas terrible. Madame, vous voulez rajouter quelque chose? Eh bah, écoutez, je voulais voir leur base, voir s'ils avaient déjà travaillé l'allemand, etc. Pardon? Pardon, monsieur Roberto. Excusez-moi, j'ai toussé. Vous voulez une sanction encore immédiate? Une critique et ce sera. Mais c'est un conseil de classe. Mais c'est un point en moins directement sur votre note d'allemand. Plus conseil de discipline. Voilà. On ne parle pas comme ça à un professeur. Madame, j'ai toussé. J'ai une angine blanche. C'est excusé juste pour cette fois. Donc, merci. Madame la prof d'allemand, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui. Bah non, j'ai déjà dit du coup. Très bien. Franchement, Auton, elle a eu 6 hein, de moyenne. Moi, je balance. Hein. Auton n'avait peut-être pas fait d'allemand non plus. Oui. On peut pas forcément leur en vouloir. Puis tous les autres, ils ont 9. D'accord. C'est pas ouf. Hein. Non, c'est pas foufou. Même moi, j'ai eu 9 alors que j'étais gentil. Très bien, monsieur Roberto. Nous allons passer à la matière suivante, si vous le voulez bien. Oui, vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le sport, peut-être. Il y avait l'éducation physique et sportive. Ouais. Oui, alors, franchement... Je trouve qu'on a une classe qui cartonne en sport, monsieur. Alors, je ne vous permets pas certains commentaires, monsieur Roberto. Je vous laisse simplement dire en totale neutralité les moyennes de chaque élève. Désolé, je voulais mettre un peu d'énergie dans mon passage. Alors, j'ai eu 20 de moyenne, monsieur. Très bien. C'est tout ce qui compte. Kiss. Non, il y a Rachel aussi qui a eu 20. Il y a Xena aussi qui a eu 20. Il y a Alex qui a eu 19 parce qu'il a foiré sa dernière pompe et le prof, il l'a saqué. Oui, ben on va pas. Il a bien fait. Je vous passe toujours de commentaires, monsieur Roberto. Pardon. Nous avons Todd qui a eu 13 et Mélanie qui a eu 11. Quand je vois la moyenne de certains élèves, je me dis que 11, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, mais c'est la moyenne, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Goliath? Eh ben, moi, je trouve que c'est très bien, quand même. Très bien, monsieur Goliath. On va passer au cours suivant. On a fait de l'anglais aussi, monsieur. De l'anglais? Alors, ouais. C'était monsieur... Jack Price. Yeah, monsieur Jack Price, yeah. Mister ouais. Jack Price. Alors, allez-y, les moyennes de chaque élève. Alors, franchement, je vais me foutre de leur gueule, mais bon, Thomas... Je ne vous permets toujours pas, monsieur Roberto, vous voulez vraiment une sanction disciplinaire? Non, mais ils ont eu 3 quand même. Alors eux, ils méritent peut-être une sanction. 3, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Thomas et Xena, 3 quand même. Suivi de Mélanie avec 6. Après, il y a eu Rachel et Auton qui ont eu 11,5. C'est pas mal. Et moi, je suis le meilleur de la classe. J'ai eu 14,5. 14, monsieur Roberto, c'est une bonne moyenne. 14,5, s'il vous plaît. Oui, on va pas épiloguer. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Jack Price? On a étudié, on a student preterite et c'est vrai qu'il y avait des élèves qui étaient de mi-niveau, il y avait des bons élèves, des good élèves et puis des bad students. Et malheureusement, je ne crois pas qu'ils sont parés pour aller en Angleterre encore. Très bien, monsieur. J'ai rien compris au cours d'allemand. On va passer au cours suivant. Il y avait donc de l'anglais, de l'allemand. Qu'est-ce que nous avions d'autre? De l'informatique. Ah oui, on a travaillé sur des ordinateurs avec madame Binaire et franchement... C'est le principe de l'informatique, monsieur. J'ai pas tout compris, mais j'ai eu quand même l'homme 20. Vous aviez comment eu 20? Comment ça, vous avez eu 20? Ah oui, oui, très il bien. Triche. Ouais, non. Et quelles sont les moyennes des autres élèves? Il y a eu Alex aussi qui a eu 20 parce que son père est informaticien, j'ai son dossier. C'est ça. Ouais. Xena qui a eu 17 quand même, c'est pas mal. Ouais. C'est dans la seule matière où qu'elle se débrouille. c'est méchant. Non, elle se débrouille bien. Ouais, c'est vrai, elle n'est pas commentaire. Rachel a eu 14,5. Autumn, elle a eu 11,5. Et Thomas, faut que tu apprennes à allumer un ordi. Hein. T'as eu 6 quand même. Thomas a eu 6. Thomas qui vient de rentrer dans la salle. On va faire rentrer l'ensemble des élèves pour leur annoncer leur moyenne générale. Monsieur, on n'a pas fini physique-chimie. Pardon, on n'a pas parlé de physique-chimie. On n'a pas abordé la physique-chimie, ça serait dommage. On l'aurait pas genre juste fait en premier. Si, je crois. Oui, mais nous n'avons pas donné toutes les moyennes. Ah, oui, si, bah, si. On a fait... Oui, mais on a... Oui. Bah oui, je crois bien que si. Hein. T'as eu 17, Autumn, si tu veux. Ah, on a tous eu 11,5, sauf Thomas et Mel. Je voudrais rajouter, je suis Madame Binaire. Bien donc, sûr, Madame Binaire, je t'en prie. Je suis ravie, j'ai presque réussi à échanger les zéros en 1. Ils sont un peu moins 0, ils sont un peu 1. Vous avez de l'humour, Madame Binaire, mais vous êtes dans un monde bien à vous. Effectivement, monsieur. Alors, nous allons procéder à l'obtention des moyennes générales. Monsieur Roberto, vous voulez bien les annoncer? Bien sûr, monsieur. Vous voulez quoi, la plus haute, la moyenne le... Alors partons du plus bas vers le plus Vous haut. Êtes sûr du plus bas? Oui. Allez-y. Allez-y. Bon bah Thomas, tu peux te lever. Il a 7,1, c'est un noob. 7,1 sur 20, monsieur Thomas. On reviendra sur votre cas ultérieurement. Il est suivi de très près par... Mélanie, je suis désolé. T'as eu 8,7. Hein. Ah bon? T'as pris cher. Oh. Monsieur le directeur, ça se fait de donner les notes tout haut pour humilier les élèves? Bien sûr que ça se fait au collège caduc. Attends, t'as pas vu la fin? 8,5 sur 20, mademoiselle Mélanie. Bon, Mélanie, je tiens à dire que pendant ses 2-3 premiers cours, elle a quand même cartonné, puis après, elle a chuté en chute libre. Je ne vous ai... Ah, si, je vous ai permis, évidemment. Pardon, madame Léger, je vous avais confondu. Bah, techniquement, avec la moyenne qu'en cuisine et en sport. Oui, bah vous avez fini de s'afficher, c'est étonnant, c'est pas ça. Gentil. Hein. Son physique ingrat. On va parler de l'élève suivant. Monsieur le directeur, je suis pas d'accord. Ça, c'est méchant, méchant. Ouais, je trouve aussi, mais je trouve ça marrant aussi. nous avons Autumn. Tu es après, mais tu as la moyenne. Tu as 18 quand même. 10,8, Madame Autumn. C'est un peu léger quand même. Je trouve que le délégué de classe n'aide pas assez les élèves. Il ne défend pas bien les élèves. Monsieur, je suis censé les aider. 10,8, c'est la moyenne. On va passer à la suivante. Xena qui a eu 11. 11 de moyenne, ça se défend. Nul. Elle se défend pas mal. Hein. C'est surtout, elle est très bonne en sport. Il y a Rachel. Ouais, ça va. Et vous êtes prof de physique, madame Léger? Bah, la physique chimie, ça va un peu avec la physique sportive. Hein. Il y a de la physique dedans, ouais. Admettons. Pas fini, c'est propre. Il y a Rachel qui a eu 12,7 de moyenne. Ça commence à être pas mal, ça, 12,7. Nous aurons peut-être l'occasion de lui donner des encouragements du conseil de classe. Oui. Allez. Après, il y a moi qui a eu 15. Alors, Roberto, vous avez 15 de moyenne. 15 de moyenne, c'est plutôt une bonne moyenne. Je pense que... On va opter pour les encouragements. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui et non, je dirais que Roberto est quand même pas mal discipliné en cours, malgré ses bonnes notes. Hein. Donc, il perturbe légèrement les cours à chaque cours. Discipliné ou indiscipliné? Indiscipliné. Discipliné. Moi, je donne des encouragements, mais également un avertissement sur le comportement. Oui, moi, je suis plutôt d'accord, Madame Léger. Donc, je vais suivre le professeur d'allemand. D'accord. Vrai. Au moindre faux pas, je te préviens, Roberto, ce sera un conseil disciplinaire. Vous inquiétez pas, je marche même. Avoir des bonnes notes, c'est bien, mais... J'étais à la limite des félicitations. Mais c'est vrai que vu votre comportement lors de ce conseil de classe, je partirais plus sur des encouragements, mais alors pas des encouragements sur le comportement, monsieur Roberto. Je suis déçu. Je sais pas si je dois vous donner la moyenne d'Alex, du coup. Alex, allez-y. Ah, vous pensez que c'est au-dessus? Bah, j'espère. Bah non, j'ai fait ça dans le désordre. Il a 14,2. 14,2 de moyenne. Oui. Bon, c'est pas mal, ça. On peut lui donner les encouragements non, également. Non, il les mérite pas. Monsieur Roberto, je vous parle de commentaires. Ah bah oui. Encore une fois, d'accord. Il a commencé chaque cours par vous êtes belle. Vous alors, êtes beau. Du coup, moi je vais parler pour moi. Allez-y, madame Léger. Monsieur Alex et monsieur Roberto sont un peu similaires dans la connerie, hein, parce que tous les deux ont des bonnes moyennes, mais ils foutent le bordel en cours. Je suis désolée, mais c'est pas des propos de prof, ça. Ouais, j'avoue. Hein. Alors, on a donné la parole à madame Léger. Je pense qu'en tant qu'élève, vous n'avez pas. Absolument rien à dire. Vous avez pas votre Madame Léger parle comme classe, elle a envie d'entendre. Le délégué de classe, il nous défend pas bien. Alors moi, je prends la parole. Oui, bah, vous allez, fermer la parole. Voilà, franchement, c'est fils délégué. Alors, Madame Léger, donc vous dites qu'on donne pas non plus de félicitations à Monsieur Alex. Je pense que mes autres collègues suivront. Hein, Roberto et Alex foutent littéralement le bordel. Roberto, Alex et Roberto se rejoignent dans le fait qu'ils ont quand même d'assez bonnes notes, ils travaillent bien en cours, etc. Ah, mais merci. C'est vrai que niveau comportement, ça l'aide à désirer. Je dirais qu'il perturbe un peu les autres. Très bien, nous allons donc lui mettre un petit avertissement concernant son comportement. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Jack Price? Oh, moi, Michel, mes frères. Ok, merci, Jack Price. Me cold. Yes. Alors, donc, le prix revient, le diplôme, malheureusement, revient à monsieur Roberto. Monsieur Roberto, oui, je vous donne le diplôme de meilleur trimestre. Mais alors, attention, il est bien stipulé sur ce diplôme, ici présent, qui souligne les rudes efforts. Bon, alors, je n'irai pas jusque-là. Entrepris par le mentionné sus et nommé élève. Je suis pas, monsieur. Il reste néanmoins uniquement représentatif d'une appréciation passagère. Et il peut à tout moment être demandé au commis, c'est-à-dire vous, de remettre ce titre à un camarade plus méritant. Par ailleurs, l'établissement Caduc, c'est donc le nôtre, se décharge de toute responsabilité en cas de non-réussite scolaire ou professionnelle du susnommé élève dans les années à venir. Ouais, je vais prendre ce papier et je vais dire merci. Félicitations, Roberto. On va demander également à monsieur Thomas Tognon de s'approcher, si vous le voulez bien. Par contre, on va peut-être demander à tous les élèves de partir. Non, j'aimerais bien qu'il se fasse humilier en public. C'est plus drôle. Ça se passe. On va lui balancer les tomates. Alors, je vous laisse commencer, madame Léger. Vous avez la parole légère également. Thomas, c'est comme si c'était un fantôme inexistant. Je ne me souviens pas spécialement de lui dans mon cours, alors je ne sais quoi dire. Oh, j'aurais dit plutôt un volcan, genre vous êtes au fond de la lave, là, vraiment, au fond du trou, hein. Moi, je dis que franchement, il manque de connaissances, hein. Il a du boulot à faire, hein. Oui, monsieur voilà. Thomas, vous êtes en fait, un petit peu le cancre de cette classe, hein. Vous êtes juste présent dans nos cours pour être présent, c'est tout. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. J'ai la meilleure moyenne en allemand. Pour sa défense, oui, il a la moyenne en allemand. Alors, le prof d'allemand, oui, vous avez détruit monsieur Thomas également. Il a abîmé la moquette. Je parle en connaissance de cause après, par rapport aux autres. Après, c'est vrai que pour moi, vous êtes un élève assez exemplaire en allemand. Mais ce serait pas un peu bipolaire, alors, la prof attendez, d'allemand attendez, attendez, madame. Je vous interromps tout de suite. Exemplaire avec 11,5 de moyenne. Non, mais disons que le niveau d'allemand était plutôt bas, le niveau de la classe en général. Madame Miner, vous voulez rajouter quelque chose pour monsieur Thomas? Oh, bah bon courage, hein. C'est pas encore gagné, hein. On va y arriver, vous inquiétez pas. Moi j'aurais dit que c'était perdu d'avance. Bon, après, mais enfin, bon. Après, pour sa défense, il est discret, il ne perturbe pas le cours. Je le lâche dans une cuisine. Oui. Tout seul. Il est capable de me faire un gâteau de cailloux avec les branches et les cailloux d'à côté. Et vous appelez ça une et bonne nouvelle? Et il ferait bouffer du sable. Non, c'est dégueulasse. On est d'accord. Donc, ce type-là, faut pas le laisser s'approcher de cuisine. Faut pas qu'il s'occupe de gens. Hein. Mais en fait, de quoi peut-il s'approcher? C'est la question qu'on peut vous poser, monsieur Thomas. Enfants, vous voulez répondre? Oh, de pas grand-chose, à mon avis. Non, j'ai peur que les enfants, ça soit dangereux également pour le futur, vu sa tête. Aucun être vivant. La seule chose qu'il peut approcher, c'est le sable. Vous avez un imperméable? Oui. Ouais, ne vous approchez pas d'enfants. Vous allez terminer peut-être. C'est rude, hein, je sais. Vous voulez rajouter un mot? En tant que substitut de délégué de classe, je trouve le comportement des profs totalement abject. D'accord, on vous a rien demandé, sortez. Nous aussi, on vous aime fort, hein, nous aussi. Hein. On va clôturer ce conseil de classe. Monsieur Thomas, vous allez vous ressaisir au deuxième semestre, j'imagine. Oui. Comme en cuisine, pour vous faire une vanne. Techniquement, le plus nul, généralement, on le jarte, hein. Ah, on peut aussi faire on ça. On le mange à midi. Si on veut obtenir des bons résultats, le brevet l'année prochaine, ça serait peut-être envisageable. Ouais, on va remonter la moyenne comme ça. Il va falloir travailler pour pas redoubler. Hein, de le radier de l'établissement. Ouais. Très bien. Je pense que le redoublement va être mentionné sur son dossier. Tu dégages. Je veux plus te voir. On proposera un redoublement pour la fin de l'année, mais on va peut-être attendre le troisième trimestre. Je vous remercie pour ce conseil de classe. Je vais y mettre un terme si vous le voulez bien. Merci à vous, monsieur. Merci à vous. Il est content, Thomas. T'as pris tellement cher. C'est le but, hein. Et oui. Et autant que, enfin, t'essayes de le défendre, le pot. Mais c'est le but. Là, on se lâche à mort. Mais attends, toi, t'étais censé être délégué de classe ou pas? Parce que tu ne défendais pas ce gardien. Les élèves s'en sont pris plein la poire là. J'ai eu 15, j'en ai rien à foutre. Non, c'est pas toi qui a eu 15, c'est Roberto. C'est Roberto qui a eu 15. C'est Roberto qui a eu 15, suivi de près par Alex qui a 14. Par je ne sais quel miracle, j'ai eu 20 quand même en informatique. La prof d'informatique elle était cool en même temps. C'est parce que en fait, non, c'est même pas. C'est que j'ai eu pas tous les points sur les questions, largement pas. Par contre, sur les points bonus. Ah, c'est lâché sur les points bonus. C'est dommage que les points bonus ne comptaient pas en plus parce que j'avais 10 quoi. Tu nous enfin, Alex avait 10 pardon. Oui, bah autant pour moi. Bon, sachez que si vous voulez réécouter cette émission, elle est disponible en podcast. Enfin, elle sera disponible en podcast d'ici quelques heures sur indestar.fr, sur toutes les applis d'écoute en ligne. Nous, on a rendez-vous le mois prochain. Et oui. Dans un nouveau collège. Avec des nouveaux cours, avec des nouveaux élèves, avec des nouveaux profs, et peut-être qu'on va changer tout. Peut-être que Thomas, s'il est présent le mois prochain, peut-être que ça sera le meilleur élève. Peut-être, tu sais. On va essayer. Peut-être que Roberto sera une merde le mois prochain, je l'espère tellement. Ou alors peut-être tout simplement qu'on aura de nouveaux élèves. Ah bah oui. Mais bien pourquoi sûr. Pas Déjà on avait autonomie. Autonomie est nouvelle, effectivement. J'ai compris le jeu de mots qu'à la fin. Mais bon. Bah, je crois qu'elle est en batterie faible là. Donc ouais. On va tous se laisser sur de la musique, bien évidemment. En vous souhaitant une excellente soirée, quelqu'un veut dire un petit mot? Bonne soirée. Je vous ai fumé. Ah oui, je pensais à un mot plus original. Bonne soirée, on vous aime. Non, ça c'est pas du tout. Je vous ai fumé. On vous aime aussi. I love you. Ah, c'est pas mal ça. Et en allemand? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ah, voilà. Attends, j'étais en train de réfléchir. Et sinon, bah, la prof d'allemand était en train de réfléchir. Ouais. J'étais sur une des stars, il y a de la bonne musique qui arrive. T'as pas dragué d'allemande, c'est pour ça que. Par exemple, qu'est-ce qu'on écouterait bien, Linda? Bah écoute, Jasmine Thompson peut-être. Ouais. Happy for you. C'est pas une marque de télé. Pardon? C'est pas une marque de télé. Bah ouais, peut-être Thompson. Mais si ouais. On l'adore, je. Et Jasmine avec Aladdin. Bon, Thompson, c'est pas de la bonne qualité, ceci dit. Ah, hein. Oh, ça dépend. C'est attends. Français, non? Et c'est japonais, Thompson. Ah, c'est japonais, mince. Oh, bah oui. Philippe, c'est bien mieux. Ça, bon, c'est allez. Philippe, c'est français. Bon. On vous fait des gros bisous. Bisous. Exactement. Bisous. Ciao tout le monde.